capable. Les yeux sur toi et tu te prends pour Tupac. Ils attendent d'être validés par Booba. Moi j'attends mon chèque, mais ça faut le dire tout bas. Baisse la tête au cas où le coup part. Je suis comme Benzema, je suis pas du tout coupable. Non mais ce je ne suis pas un loupard. Mais Dawa dis-leur que quand on tire on ne loupe pas. Fouille ma vie, regarde-la à la loupe. Tu verras la racine africaine à la fois les poupas. J'sais que ça dérange les pures souches. Odeur m'a fait gros couscous. Sûr de moi, non j'en ai pas la frousse. Je suis comme Mesrine Vest, le commissaire Broussa. Depuis le début ils sont tous à mes trousses. Section d'assaut Watibé Harry, oui c'est mon Broussa. On dit que je suis dans ma folie. Oui on dit que je suis dans ma folie. J'adore, il tape le nouveau Black M, ça fait plaisir, c'est bien ça pour attaquer le vendredi. Askip sur Fun Radio, bonjour tout le monde, vendredi c'est le 14 octobre. En parlant de taper, j'ai envie de vous le dire tout de suite parce que on a cherché avec Fonf le bootleg de ce vendredi matin, on est tombé sur un truc les amis, je peux vous dire que si vous avez des problèmes d'audition, on va vous péter le tympan tout à l'heure. Je vous mets un extrait parce que je suis chaud bouillasse sur le truc. Justin Bieber, d'accord. Ouais. Bronze Kibit. C'est un titre des années 80, cherchez pas. Ça avait été repris dans les années 90 sur un truc de dance. Et Survivor. Voilà. C'est-à-dire que quand ça part, décollement de la rétine, percement des tympans. Je vous le dis. Écoute ça. Oh, ça me rend fou. Bon, ça, on va le mettre ce matin. Bah, je préfère vous prévenir. Ouais. Ça fait mal quand ça s'arrête. On arrive au taquet chez vous les amis, c'est vendredi, c'est l'équipe de Bruno dans la radio qui sera là avec Sound of Legend. Dans la demi-heure, je vous annonce, il y a Kendrick Lamar également avec The Greatest. Le nouveau Major Lazer avec Showtech, vous l'avez découvert chez nous, on adore ce son, ça s'appelle Believer. Et puis, dès maintenant, vous pouvez appeler le 3228. On se fait un petit tout gagné, tout perdu dans moins d'un quart d'heure. Ah bah oui. Oh bah oui, s'il vous plaît. À gagner un overboard, d'accord. Je rajoute une caméra GoPro, un casque DJ et la compile Bruno dans la radio. C'est le premier cadeau de la matinée. Il y a Elliot, il y a Christina, il y a Vaché. Oui, on est tous là. Le hashtag, c'est Bruno Fun Radio. On arrive chez vous après les news. Fun Radio. Le son. Fla. Poula, poula, poula. Maxime Poulaouek, pour les premières infos. Salut Max. Salut Bruno, bonjour à tous. Bon, prenons quelques nouvelles de nos amis du sud de la France et notamment dans la région de l'Hérault, là, avec les fortes perturbations depuis plus de 24 heures maintenant. Et ça va s'améliorer puisque l'Hérault n'est plus en alerte rouge, pluie inondation, mais en vigilance orange. Les pluies qui vont continuer de s'abattre dans le sud en remontant le long de la façade est jusqu'en Alsace. Vigilance orange également pour l'Aude, l'Aveyron, le Gard et le Var. Le soleil devrait revenir sous forme d'éclaircie par l'Atlantique. Les températures ce matin sont comprises entre 6 et 11 degrés. Pour l'après-midi, prévoyez 12 à 15 degrés jusqu'à 20 en Méditerranée. Les intempéries donc dans le sud, les cours restent suspendus aujourd'hui dans le département de l'Hérault. Dans le Gard, les transports scolaires ne seront pas assurés, mais les écoles resteront ouvertes. 115 personnes ont été évacuées dans un camping à Vias. La cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Nice prévue aujourd'hui est décalée à demain. La primaire de la droite et du centre, le premier débat entre les 7 candidats a eu lieu hier soir. Les affaires judiciaires sont ressorties au grand jour. La rivalité Sarkozy-Juppé s'est amplifiée. C'est d'ailleurs le maire de Bordeaux qui est sorti vainqueur selon un premier sondage. Jacques Chirac n'est plus à l'hôpital. L'ancien président de la République est rentré chez lui hier où il va poursuivre sa convalescence. Il était hospitalisé depuis 3 semaines à la Pitié-Salpêtrière pour une infection pulmonaire. La famille Chirac a adressé ses remerciements à tous les Français qui qui lui ont témoigné leur attachement. Elle s'envoyait en l'air dans le cockpit. Une hôtesse de l'air néerlandaise de 46 ans travaillant pour Transavia aurait multiplié les ébats sexuels avec ses collègues dans des hôtels mais aussi en plein vol. Elle aurait consigné à ses aventures dans un journal intime tombé dans les mains de son mari. La compagnie a porté plainte et l'affaire sera jugée le 24 octobre. Et puis le retour de la Ligue 1 de football ce soir, 9e journée avec un match entre Toulouse et Monaco. C'est au Stadium ce soir à 19h. Bon réveil sur Fun Radio. Bruno on Fun Radio. Vendredi, c'est le 14 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h03. Bonjour. Faudrait te dire un jour qu'on comprend rien ce son de fusée. Mais parce que c'est une mise en orbite. Voilà, on met en orbite votre semaine parce que c'est le week-end qui commence à partir d'aujourd'hui. Et je crois que pour certains, c'est même les vacances. Ouais. À partir d'aujourd'hui. Il y en a, ouais. J'ai eu des messages de gens qui me disaient je suis en vacances là maintenant. Ça commence mercredi les vacances. Il y a des gens qui visiblement s'arrangent. Mais il y en a qui les prennent un peu avant. Avec le calendrier. Les gens qui les prennent avant, c'est quoi? C'est les gens qui travaillent à la poste, à la SNCF. Ils sont en vacances tous les jours finalement. Bon, vous l'avez entendu derrière moi, Sound of Legends, IA ou encore Major Lazer, c'est ce qui va arriver dans la demi-heure sur Fun Radio. C'est vendredi, ça veut dire que comme chaque jour, on est en pleine forme. Mais ce matin, il y aura encore plus de folie. La folie du vendredi. Et Christina qui est là ce matin. Bonjour. Il y a Vaché. Bonjour. Il y a Elliot. Bien le bonjour Bruno. Il a sorti une chemise chic, Elliot, comme si t'avais un rendez-vous à la banque. Oh, ouais. Mais écoute, non, j'ai décidé, vu qu'on m'a offert des chemises pour mon anniversaire, de les mettre régulièrement. D'accord. Et là, tu sais, c'est le moment où ma copine me les a repassées. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est repassé en plus. Donc vous allez les voir, mais vu qu'après, bon, on est d'accord qu'on les met qu'une fois les chemises. Non, on les met plusieurs fois. Non, mais avant de les laver, avant de les laver. Ah oui, on les met qu'une fois. Oui. D'accord. Bon, bah du coup, là, je vais devoir la laver. Et vous la reverrez pas avant un mois, donc d'accord. C'est ma chemise du mois. On en profite, quoi. Voilà. Bon, les amis, comme chaque matin, cette émission appartient à un auditeur de Fun Radio. C'est l'auditeur du jour. On part ce matin dans le département du Pas-de-Calais. Beaucoup d'auditeurs de Fun Radio dans le Pas-de-Calais, dont Fabien. Il a 25 ans. Il habite à Douvrin. Applaudissements pour Fabien. Ouais, la famille Bruno dans la radio. Oh, comment ça va, mon Fab? Comment ça va? Au top. Ça va. Tu fais quoi dans la vie, Fabien? Merci, Fabien. Ah, enfin, quelqu'un qui est bien réveillé, ça fait plaisir, frère. Tu fais quoi dans la vie, Fabien? Il ne répondra jamais à ma question. Et sinon, Fabien, il est arrivé à l'antenne comme un joueur de rugby. Ouais, ça va l'équipe, super. Et alors, Vaché, ça va ton gamin? Bien, ouais, tout. Ah, il pleure. Et Fonf, quand tu réalises l'émission, t'es en collé comment? T'es en 47K ou en 127K? Donc, je te repose. Ah, on est content d'arriver à l'antenne. Très bien. C'est cool, Fabien. Fabien! C'est quoi ton... Allez, c'est cool. D'accord, bon, tu sais quoi, on s'en branle en fait. Mais c'est lui qui anime. Et Bruno, il y a des moments on tombe sur des gens qui animent à notre place. Et là, il faut le laisser à Fabien. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. La place qui est à Fabien, c'est tout. Et ben, tu sais quoi, Fabien, tu vas attaquer cette émission avec la question à un membre de l'équipe. C'est ton droit quand tu es l'auditeur du jour, d'accord? Ok. Et en plus, c'est vendredi, ça veut dire que le vendredi... Oh putain, c'est vendredi! Non! Les gars, on est tombé sur. Il est au taquet! Génial! Il faut que tu arrêtes la cocaïne, Fabien. D'accord? Faut en parler. S'il te plaît, hein, ça suffit maintenant, mon poteau. Bon, Fabien, le vendredi, c'est la question coquine. Ouh là là. Donc, ça veut dire que la question que tu vas poser à un membre de l'équipe peut être une question un peu olé olé, quoi. Un peu osée. À qui veux-tu la poser? Je vais la poser à Christina. Ah, tu voilà, j'ai très très peur. Vas-y. Je le sentais. J'ai peur de se mettre en jambe, un petit peu. Vas-y, Fafa. Je t'écoute. Alors, je voulais savoir si tu avais un fantasme ultime. Ingrid Escotobèze. Un fantasme ultime? Un truc réalisable, quoi. Parce qu'avec des stars, tout ça, bon, un truc réalisable. Je pense qu'une fois dans ma vie, je sais pas quand, du coup, ce sera peut-être un peu tard, mais j'aimerais bien faire ça avec une fille. Une fois dans ma vie. Pour voir ce que ça fait, tu vois. Juste par curiosité. Et en, et en deuxième fantasme, t'as pas genre avec un collègue de radio qui serait à ma droite? Ouais. Ouais. Ou en troisième, en quatrième, en vingtième fantasme? Non, vache. Dans le top 100? Non. Okay. Donc toi, ce serait ça, d'accord? Ouais. Avec, avec une fille, d'accord? Ouais, pour voir quoi. Allez! Toucher la satin, la poitrine. Je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il allait chanter, mon Fabien. Ah. Et tu sais quoi? Ça peut être une question, ça. Tiens, ce serait quoi, vous, votre fantasme ultime? 32-28. Et on demande aux membres de l'équipe. Mais bah attention, hein, des trucs qui restent Lego. Oui, et Lego surtout. Bon, je joue tu veux plus, mettre alors. Des Lego dans... Fabien, ça te va comme réponse, mon pote? Oui, ça va, je prends. Bon, bah écoute, bon, il va faire des beaux rêves maintenant, Fabien. Passe une belle journée, mon poteau. Je vous remercie. Bonne ciao, journée, ciao, Fabien. Bisous, Fabien. C'est quoi votre fantasme ultime? Oh. Bah, et ça peut être avec une star, vous avez le droit de le dire. Voilà, après tout, c'est un fantasme, c'est le domaine du fantasme. Sound of Legend, tout de suite, et dans 3 minutes, on joue au tout, tout gagné, tout, tout perdu. C'est Fun Radio, bonjour! Bonjour la famille, vendredi, c'est le 14 octobre. C'est quoi votre fantasme ultime? Bah, la question était posée tout à l'heure à Christina. Voilà, je peux vous la poser à vous, auditeur de Fun Radio. Et vous me donnez vos réponses au 32-28. Est-ce qu'on est vraiment sur du fantasme coquin ou pas? Ça peut être un fantasme d'un autre délire, non? Que coquin? Oh bah là, on est sur du coquin, ouais. C'est une question coquine. Il y a même un mec sur Twitter, Arnaud, qui a mis, moi c'est faire l'amour à ma femme dans l'espace. Mais moi, Arnaud, c'est faire l'amour à ma femme, hein, tout court. C'est quoi, moi, c'est faire l'amour, même, tout court. Même, c'est quoi faire, juste. C'est You're the Greatest, ça va arriver ce matin. Et ce matin, je voudrais qu'on passe le nouveau Hardwell. Il est passé hier, j'ai entendu chez JB, et on a fait un truc de ouf hier sur Fun Radio. On a diffusé le nouveau Hardwell. Alors bon, souvent, vous savez les nouveautés, on est premier en France à vous les diffuser. Hier, ça a été la première diffusion dans le monde. C'est classe ou pas? Nouveau Hardwell. Avec G-Shawn, qui est juste énorme. J'adore ce son. J'ai entendu ça hier, j'écoutais JB dans la voiture, j'ai dit « Oh fort !» On le mettra ce matin ou pas? C'est prévu? Oui. C'est pas prévu, on l'aurait mis un petit peu quand même. Tu fais ce que tu veux, hein. Ah, ce que je veux, mais bon, on aurait mis quand même un peu ce matin. Allez, 6h12. Tout gagné, tout perdu, tout gagné. Tout ou gagné, tout ou perdu de ce matin. Adrien a 20 ans, il habite à Villeneuve-sur-Lot. Nous sommes dans le département du Lot-et-Garonne. Applaudissements pour Adrien. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Salut. Comment ça va Adrien? Ça va bien, et vous? Eh ben écoute, en pleine forme, tu fais quoi dans la vie du côté de Villeneuve-sur-Lot? Ben je suis boulanger là. Boulanger, voilà. Au boulot depuis quoi, 3h30, 4h? 3h30, ouais. 3h30. T'attaques avec quoi en général? Les croissants? Le pain? Le pain, je commence à façonner pour avoir tout de près à 7h. Ouais, je me doute. Combien de baguettes tu passes toi sur une journée, Adrien? À peu près 300. Ouais, c'est ouf. Courage à tous les boulangers là qui écoutent Fun Radio. Je sais qu'il y en a de plus en plus. C'est rigolo. Et alors, ce qui me fait plaisir, c'est que Fun Radio, on dit ouais, c'est une radio jeune, c'est une radio générationnelle. Moi, j'en ai vu, mais qui avaient 60 ans et qui s'y sont mis aussi et qui m'ont dit, mais en fait, je t'explique, c'est la seule radio où les gens sont réveillés dès 6h. Et ben, ça fait plaisir. Bonjour les boulangeries. Et j'en profite d'avoir un boulanger au téléphone. On est d'accord que la baguette, c'est terminé. C'est la tradition de renouveau. Non, c'est clair. C'est clair, mais non, mais tu. Oh non. La tradie, bien sûr. Oh, moi, je suis team baguette à fond. Ouais, non. Je changerai jamais. Une bonne tradie bien cuite, ça fait plaisir. Bon. Je suis sûr que vous achetez du pain avec des céréales à l'intérieur. Là. Ouais. C'est Adrien, mon pote, en arrivant en direct sur Fun Radio, tu viens de gagner ton overboard, d'accord? Oh là là. Je rajoute une caméra GoPro. Je rajoute un casque DJ et la compile Bruno dans la radio. Ces quatre cadeaux, ils sont à toi. D'accord, mon poteau? Ah, c'est un truc de fou. Mais pour les garder, il va falloir que tu répondes correctement à quatre questions que je vais te poser. Attention, chaque mauvaise réponse, c'est un cadeau qui disparaît. Ok? Ouais. Eh ben, c'est parti. Le premier album à sortir sur CD était le premier album des Daft Punk, Homework, sorti en 97. On retrouvait ça, notamment. Je dirais faux. Eh ouais, c'est faux. Premier album sorti, c'était celui de Billy Joel, 52 Street. Voilà, excusez-moi, mais comme c'était écrit en anglais, j'ai eu une petite angoisse. 52. Et offert avec les premières platines CD commercialisées au Japon en octobre 1982. C'était la chanson de l'album, ça. Such a lonely world is so... untrue. Moi, ce qui me fait peur, c'est que quand on passe des sons comme ça, je vois que tu kiffes, Bruno. C'est parce que je suis vieux. Alors, il y a une bonne nouvelle, tu gardes tous tes cadeaux. Voici la deuxième question. Notre capacité pulmonaire, c'est-à-dire le volume maximal d'air que l'on peut avoir dans les poumons en même temps, est d'environ 18 litres. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, je pense que c'est faux, c'est 4 ou 5 litres, il me semble. Exactement, et c'est 4 litres. Bah oui, 18 litres, imagine à quoi on ressemblerait. Bon, alors, sauf sur 2 ou 3 personnes, notamment le chanteur Renaud, hein, où on est sur du 52 centilitres, visiblement. Tu gardes tous tes cadeaux, voici la troisième question. Un des détails qui permet de différencier un crocodile d'un alligator est que le crocodile garde deux dents dehors... quand il a la gueule fermée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais, sûrement que c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Oh, le pauvre. Vous savez que, dans une autre vie, on avait fait une émission de radio en direct du Sri Lanka avec une partie de l'équipe et que c'était un raid, d'accord, Vitel Amazon, à l'époque, ça s'appelait. Ouais. Et on s'était retrouvé dans une rivière où il fallait faire de la pirogue et on n'arrivait pas à avancer. Donc, à un moment, vu qu'il y avait pied... on est descendu avec l'équipe, je sais plus qui y avait dans mon bateau. Moi, j'étais avec toi. Et on l'avait poussé et on avait vu plein de bûches qui flottaient sur l'eau. On avait dit, putain, c'est rigolo. Mais vraiment, je te jure. Et on avait traversé le truc en marchant à côté du bateau. Et le lendemain, on est repassé au même endroit, mais sur le bord de la rivière. Ouais. Et on s'est rendu compte que les bûches qui étaient à 2 mètres de nous, en fait, c'était des crocodiles. Genre tranquille, quoi. Mais genre tranquille. Et nous, on était passés dedans, mais genre, tout va bien. Voilà, du genre, aller sur l'Atlantique, le bateau entouré de requins, vous dites, oh, des petits dauphins. Mais c'est ça. Vas-y, mets ton slip de bain. Bon, Adrien, tu gardes tous tes cadeaux. Voici la dernière question. Homo sapiens signifie en latin homme qui pue. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Ouais, ça veut dire homme savant et ça veut dire que c'est tout au gagnant. Ah, ça me fait plaisir, Adrien, que ça tombe sur toi. Et vous me faites plaisir. Adrien, l'overboard, la GoPro, le casque DJ, la compile Bruno dans la radio, ça part du côté de Villeneuve-sur-Lot. Tiens, donne-nous le nom de ta boulangerie. C'est Maison Guilhem. La Maison Guilhem, elle est où à Villeneuve-sur-Lot? Juste à côté de Villeneuve-sur-Lot, à la sortie entre Villeneuve et Pujol. Enfin, et ben voilà, entre Villeneuve et Pujol, voilà, c'est une boulangerie qui écoute Bruno dans la radio. C'est donc une bonne boulangerie. On t'embrasse, mon pote. Merci beaucoup la famille. Ciao, ciao. Oh, 6h17. Tout le monde à la pêche ce matin, ça fait plaisir. C'est vendredi, c'est Fun Radio et c'est Kendrick Lamar avec la voix de Sia. Oh, oh, wanna know the best, but stamina. Oh-oh, running now, I close my eyes. Well, oh, I got stamina. And oh-oh, I see another mountain to climb. But I got stamina. Oh-oh, I need another lover of mine. Cause I got stamina. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. Vendredi aujourd'hui, on vous sort le bootleg du vendredi, le mashup. Vous savez, on aime bien vous sortir ça. Tous les vendredis, on vous en sort un. On en a trouvé un avec Fonf, les amis. Il est multigénérationnel. C'est-à-dire que t'es vieux, tu vas kiffer. T'es jeune, tu vas kiffer. T'es entre les deux, tu vas kiffer. T'es sourd, ouais, tu vas kiffer aussi parce que ça va émettre des vibrations qui vont faire que. T'es aveugle, tu vas kiffer parce que ça peut te faire revenir la vue, je pense, hein, vraiment. Ouais, ouais, d'accord. On a trouvé un son. Alors, les vieux vont reconnaître derrière Bronze qui beat, un truc des années 80. Plus jeune vont reconnaître Justin Bieber, ouais, d'accord, ouais, avec Sorry. Et les gens entre les deux se disent, mais ça part, à un moment, je peux dire que, mais quand ça part? Mais quand ça part, les amis, c'est pas une témoin que tu te prends. C'est une voiture lancée à vive à l'heure en plein dans le cul. Ah bah tu joues. J'ai hâte de vous le passer. Oh, tu joues. J'ai hâte, de, mais je vous jure, j'ai hâte de vous le passer. Ce truc est fou. D'ici la Major Lazer. Avec Showtek, j'aime bien Showtek. Mais c'est ça, Fun Radio, c'est vous réveiller tous les matins, vous réveiller où que vous soyez, en France ou à l'étranger. C'est pas pour rien que Teddy, notre ami fermier dans le Wisconsin, lui, tous les jours, du lever jusqu'au coucher, dans son tracteur et même la nuit, car il travaille la nuit, yeah, il écoute Fun Radio justement parce que ça lui donne la pêche. Vous savez, pour moi, en ce moment, c'est la nuit aux États-Unis, mais qu'à cela ne tienne. C'est vraiment cool d'écouter Bruno dans la radio, ça me donne une pêche de dingue. Et je me dis, quelle heure est-il? C'est l'heure d'écouter Bruno dans la radio. Come on, girls. Avec mes filles. Allez, il est 6h22. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. Nous avons parlé, il y a de quelques secondes, et grâce à l'auditeur du jour, nous avons parlé des fantasmes. D'accord ? Oui. Parce qu'un auditeur a demandé à Christina quel serait son fantasme ultime. Et ton fantasme ultime, Christina, répète-le pour ceux qui n'étaient pas réveillés. Ce serait une fois d'avoir une expérience sexuelle avec une fille. Une fois avec une fille. Je dois dire que ça vous chauffe un peu sur Twitter. Par exemple, j'ai Olivier qui me propose de faire quelque chose avec toi, Meryl, au web. Ouais. Voilà. Il y a Isabelle qui me dit « Moi, j'aimerais bien assouvir le fantasme de Christina avec le reste de l'équipe qui regarde. Oh. » Ça marche. Non mais attends, parce que là, on rigole, mais ça se trouve, il n'y a pas de tabou ici, on peut en parler. Vous ne seriez pas prêt à faire ça? Non, moi j'ai un vrai délire. Je ne peux. En termes de fantasme, honnêtement, je suis assez ouvert, je pense. Ouais. J'ai un vrai blocage, c'est sur le fait qu'on me mate. Ah oui, non, mais nous, qu'on te mate. Nous, on est les mateurs dans l'histoire. Mais même, regarder. Putain, c'est compliqué. Hein. Oh, regarder ensemble et tout, en copain. C'est ça, on se met sur des sièges, on a des pop-corns. on se met les mains sur les cuisses. Non, mais chacun son plaid pour cacher. Hein. Un plaid mais non, mais pour cacher. Oui, c'est bon, on a compris. Tiffany, 27 ans, elle est à Angers. Bonjour, Tiffany. Coucou la famille. Coucou. On est en train de parler de fantasmes, Tiffany. Allez, lâchons-nous. En restant soft, bien sûr, cette émission est tout public. Mais ton fantasme ultime, Tiffany, ce serait quoi? Moi, ce serait faire l'amour dans une cabine d'essayage. Oh là, calme-toi, calme-toi. On sent que t'as envie tout de suite. Bah, et t'as la voix de quelqu'un qui est déjà devant la cabine, en fait. Ah non, non. Mais ça, tu peux le tenter. Oui. Mais oui, ça se fait. Ouais, ouais. Qui a fait dans l'équipe? Non, jamais. Ah non, je peux pas, non. Non, moi j'ai déjà maté, quoi. Genre, on sait jamais si. Ah ouais, t'en sais. Non, mais en gros, j'étais jeune, je commençais à avoir des boutons et tout. Donc, ouais. Du coup, il y avait une nana qui avait mal fermé la cabine de rideau. Ça arrive. Et elle essayait, genre, des sous-vêtements ou un t-shirt. Donc, j'ai vu son soutien-gorge. Et après, je me suis fait toute une histoire dans ma tête. Je me suis dit, imagine, elle me voit dans la vitre. Au début, elle est énervée, mais elle me fait, mais qu'est-ce que tu fais là, petit jeune? Mais viens donc dans ma cabine. Oui, bien sûr. On a tous fait ça. Moi, j'ai fait la cabine d'essayage, Ah ouais? Pas faire l'amour, mais d'accord, cochonnerie. Et alors, ça t'allait? Tu rentrais dedans? Pardon. Il est reparti avec. Quoi. J'avais grossi, je rentrais plus dans du bousin. Tiffany, cabine d'essayage, c'est un bon délire. Je te fais des bisous, ma belle. Alex, il a 28 ans, il est chauffeur-livreur. Bonjour, Alex. Bonjour la famille. Salut. Bonjour. C'est quoi ton fantasme ultime? Alors moi, ça serait de livrer un colis et qu'une belle femme t'ouvre la porte en sous-vêtements et là, ça se met à déraper. Ouais, bah ça. Ouais. Ça arrive que dans les films X. Hein. C'est les films X des 70. Ouais. Bonjour madame. Où est-ce que je range la photocopieuse, s'il vous plaît? Alors que dans la réalité, t'arrives avec ton colis UPS, tu frappes et puis c'est bonjour monsieur. Bah, venez vous asseoir, j'ai fait un petit thé. J'ai encore fait tomber ma culotte. Mais tu sais, Alexandre, il y a des légendes urbaines qui disent que ça marche. Moi, j'ai un pote qui était livreur de pizza et qui m'a raconté qu'une ou deux fois, il a eu des plans comme ça. Hein. Ça c'est ouf. C'est l'époque où j'ai failli bosser chez Pizza Hut. Ah ouais. On t'embrasse Alexandre, belle journée mon pote. Bisous. Lucas, 28 ans, il est à Paris, salut Lucas. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Bon, dis-moi mon Lulu, c'est quoi ton fantasme ultime à toi? Moi ce serait dans un avion. Avion j'ai fait aussi. Ah ouais, ouais. Ça je comprends mais pas. Mais t'as tout fait toi Bruno, c'est pas possible. Ouais, mais j'ai 45 ans les amis, donc par rapport à vous j'ai de l'expérience. Mais justement ça existait pas les avions avant. Tu sais que ça... ça annonce c'est le club des 3000 je crois. 10 000. Des 10 000. Et parce que t'as 10 000 pieds je crois. 10 000. Que ah bon, ce serait le club des 10 secondes, hein, peu importe où ça se passe. En revanche, je suis désolée mais les toilettes d'un avion c'est vraiment tout petit. Et bah c'est ça qui est excitant justement. C'est pour ça, j'ai fait tout seul. Ouais. C'est ça que je veux dire, tout seul. C'est, pour ça. C'est plus gênant pour le monsieur qui est assis sur la cuvette depuis tout à l'heure et qui vous regarde, quoi. C'est ça. Vous pouvez me laisser finir tranquille. Lucas, on t'embrasse, mon pote. Je crois que mon fantasme, ça serait ça, mais genre dans un train. Vous avez jamais essayé de chercher quelqu'un du regard dans un train, genre si vous aviez une meuf bonasse en face de vous, et tu te dis à un moment, dès qu'on va faire eye contact, je vais faire mon regard de lover, et boum, elle va me chauffer, on va aller aux toilettes. Il y a quand même des gens qui essaient de nous faire rêver, genre, il y en a un qui parle de faire l'amour dans un avion, t'imagines la classe, et toi, tu t'arrives avec ton TER. C'est vrai. Même tes rêves ils sont low cost. C'est pas possible quoi. Oh mec, c'est la phrase du jour. Même tes rêves ils sont low cost. Voilà, c'est tout. Bon, ce son vous l'avez découvert chez nous. Showtech et Major Lazer exclu Fun Radio. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. 31% des femmes ont déjà écourté une soirée de fête pour une raison bien particulière. C'est le chiffre du jour. Les filles, j'ai besoin de vous au 3228. Pour quelle raison vous pouvez quitter une soirée précipitamment? Venez nous le dire au 3228, on va vous filer du cadeau. Christina, par exemple. Bah, quand tu sens que t'as pris le verre de trop et qu'il faut que tu partes avant de perdre ta dignité, tu vois. C'est vrai que les filles, vous avez ce baromètre. Bah oui. Ça n'a pas de rapport avec l'alcool. Non. Non. 3228, on en parle. Chiffre du jour, là, ça arrive dans quelques secondes. Et puis, il y aura les parakeets pour le son Dance Floor. A tout de suite. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixé à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Eh, à la Banque Postale, ils ont observé que vous parlez souvent de changer votre vieille voiture, de partir en croisière ou encore de refaire votre déco. Bon, à la Banque Postale, ils ont aussi observé que, force est de constater, vous êtes passé maître dans l'art de remettre vos projets à demain. Ah si, ne niez pas, on vous a vu. Heureusement, à la Banque Postale, quand ils observent, ils agissent. Alors profitez de leur bon taux sur les prêts personnels, auto, travaux et projets jusqu'au 5 novembre 2016 et réveillez vos projets. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639, service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Bougez pas, Bruno. Hashtag Bruno Fun Radio, on est là sur Twitter, on est là sur Instagram, on est là sur Facebook et puis il y a le Snapchat pour vivre les coulisses de l'émission. Les amis, vous pouvez venir nous rejoindre. Le Snapcode, c'est Bruno Fun Radio. Fun Radio, Fun Radio. Le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 14 octobre. L'info en deux minutes avec Maxime Poulaouec. Salut Max. Salut Bruno. Bonjour à tous et on commence par la météo. La pluie continuera de tomber sur la moitié sud avec parfois des coups de tonnerre. Les précipitations remonteront le long de la façade est jusqu'en Alsace. Des éclaircies reviendront ensuite par l'Atlantique. Les températures de la matinée sont comprises entre 6 et 11 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 11 à Aurillac, 12 à Lille, 13 à Paris, 14 pour Brest et Lyon, 16 à Bordeaux, 17 à Perpignan, 21 pour Ajaccio. C'est donc la douche froide dans le sud. Les fortes pluies continueront de s'abattre jusqu'à ce soir. 3 mois de pluie en quelques heures. L'Hérault n'est plus en vigilance rouge pour pluie et inondation, mais en orange, tout comme le Gard. Alerte orange pour l'Aude en raison des grosses vagues. Vigilance orange dans le Var pour les orages. 115 personnes ont été évacuées dans un camping à Villas cette nuit. L'hommage aux victimes des attentats de Nice prévu ce soir est reporté à demain. Alain Juppé donné gagnant selon les sondages. Le maire de Bordeaux a remporté le premier débat de la primaire de la droite et du centre. Hier, sécurité, économie et affaires judiciaires ont rythmé les paroles des 7 candidats. Nicolas Sarkozy a accusé François Hollande de salir et détruire la fonction présidentielle. L'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, la justice examinera aujourd'hui les méthodes policières employées dans l'enquête sur la tentative de chantage. Les suspects, dont Karim Benzema, réclament l'annulation de l'ensemble de la procédure. La cour d'appel de Versailles doit notamment se pencher sur la validité des négociations téléphoniques entre un policier qui se faisait passer pour un homme de confiance de Valbuena et un maître chanteur. Il y a du football ce soir, le début de la 9e journée de Ligue 1. Les deux premiers du championnat ouvriront le bal. Monaco ira à Toulouse à 19h. Nice recevra l'Olympique Lyonnais à 21h. Vous êtes sur Fun Radio, 6h33. On continue en cette fin de semaine avec toute l'équipe de Bruno dans la radio. Bon réveil. Sérieusement, il y a une casse qui vous manque, quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. Bonjour la famille, vendredi c'est le 14 octobre. C'est l'anniversaire de Cher, tiens, aujourd'hui. Oh. Ah, joyeux anniversaire Raymond. Oui, c'est vrai que c'est Raymond. Ah ouais, ouais. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il ait changé. Ouais. Allez Jean-Louis, chante. Cher les amis. Ça c'était Usher avec David Guetta. Usher. Usher avec Pitbull. Oh my gosh. Ça, c'est quand il nous avait volé le générique de l'émission. Oui, là, il y a mes Usher. Tu crois que je m'en souviens pas, me prends pas pour un con. Usher, c'était ça aussi. Avec Martin Garrix. Usher aussi. Eh, dis donc, j'ai l'impression qu'il en a fait 2-3 petits tubes, Usher. Peut-être qu'on peut en mettre un ce matin. Ah ouais. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Une battle du grenier ou direct qui gagne? C'est ça. Une battle du grenier de Cher. Parce que Cher a un grenier, faut le savoir. 6h34, c'est Fun Radio. Ce qui arrive dans la demi-heure sur Fun, c'est Parakeet. Nicole Pervers. J'ai chaud, David Guetta. On a notre loseuse du jour. Alors là, on est sur de la grosse lose. C'est Gaëlle, elle est à Villefranche-sur-Saône. Là, on va partir dans le Rhône dans moins de 10 minutes. La lose qui peut arriver à tout le monde, mais la lose qui te met bien dans la merde. Elle va nous la raconter en direct. Il y aura du JPI là qui arrive dans 20 minutes sur Fun Radio, mais pour l'instant, c'est le chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. 41% des femmes ont déjà écourté une soirée parce que il y avait quelque chose de particulier. Elles étaient obligées de partir. D'après vous, pourquoi? Soirée, attention, soirée festive, hop, on est en train de se marrer, etc. Il n'y a rien de sexuel, je préfère vous le dire tout de suite. D'accord. Alors si c'est comme moi, si j'étais une femme et même en tant qu'homme, je partirais de la soirée genre au moment du cadeau commun, quand ils offrent le cadeau commun. Pourquoi? Parce qu'en général, j'ai pas participé. Et je veux pas me retrouver, tu vois, dans une situation où on se rend compte que j'ai pas payé. Donc je pars juste avant. Et en général, le cadeau commun, c'est minuit, 1h du matin. Donc j'arrive tôt, ouais. Comme ça je profite bien, et à minuit, 1h, je me barre. Sauf si c'est une soirée où je connais très peu de gens, parce que je fais croire que j'ai participé et je reste. Et moi, je t'ai vu à une soirée avec cadeau commun. Ouais. Avec la personne qui venait te remercier pour ce cadeau commun et, oui. Et te voir dire merci, ça, oui. Ça fait plaisir. Et j'avais signé la carte ce soir. Alors que t'avais pas filé un flèche. Ouais. Mais j'ai signé la carte. Ah non, mais quand je vous dis que c'est maladif, pas vraiment. Bonjour Julie à Tours. Bonjour Bruno. Bonjour. 28 ans, Juju. Tu te barres d'une soirée, pourquoi toi? Parce que je trouve personne d'intéressant. Oh merde. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, toi t'es cash. Bah oui, si j'arrive et que vraiment au bout d'une heure ça m'intéresse pas, que j'arrive pas à rentrer dans l'ambiance, et voilà, bah je... En même temps, est-ce qu'il y a rien de plus insupportable qu'une soirée où tu te fais chier? Tu regardes les gens, tu te dis waouh... Ça arrive pas souvent quand même, en général t'as au moins une super copine qui est avec toi, non? Ça dépend. Ouais. Ouais, mais bon, je sais que la dernière, en tout cas, elle avait des potes et moi je connaissais personne et finalement il y a personne qui m'intéressait non plus, donc je l'ai laissé en fait. Et dans ces cas-là, t'as prétexté quoi, Julie? Que je me sentais pas très très bien et j'avais un début de migraine. Ouais, bien sûr. Ça marche. En fait, voilà, le mal de tête, ça fonctionne toujours. Je te fais des bisous, Juju. Bisous. Ciao, ciao. Tiens, Karina du JPI, pourquoi tu te barrerais d'une soirée, toi? Parce que j'ai envie de faire caca. Super. Ah bah oui. T'as la taupe au guichet. Oh, mais tu fais ça chez toi avant d'aller en soirée quand même. Bah oui, mais parfois ça t'arrive. Moi, ça m'arrive parfois même de quitter le supermarché. Ça vous est jamais arrivé, genre vous poussez votre caddie et tout, et d'un coup, pam ! De pousser ton caddie à pousser tout court, il n'y a qu'un pas du coup. Les amis, je voudrais avoir une pensée ce matin. Je voudrais avoir une pensée pour ceux qui, pour la toute première fois, arrivent sur Fun Radio. Une pensée pour ceux qui, pour la toute première fois, découvrent cette émission parce que on leur a parlé de Bruno dans la radio. Et qui viennent d'entendre, là, cette déclaration. Je pars d'une soirée parce que j'ai envie de faire caca. Vous venez de vendre du rêve. Mais en même temps, c'est vrai que c'est charmant, mais ça parle à tout le monde parce que les toilettes dans les soirées, t'as pas envie d'y aller. Dans les bars, etc., les boîtes, t'as pas envie d'y aller. C'est ça. J'imagine Karina habillée en robe de soirée avec des escarpins et ce cri derrière la porte. Merci. Bonjour Priscilla, accueillie dans le 76. Bonjour. Salut. Qu'est-ce qui pourrait te faire partir d'une soirée précipitamment, Priscilla? Bah, une envie subite de faire un câlin avec son mari. Surtout quand on n'a pas les enfants dans une soirée, en fait. Ouais, d'accord. Alors ça, attention, phrase de vieille. T'as quel âge, Priscilla? J'ai 30 ans. Oh non, ça va, t'es pas vieille. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais, je te rejoins là-dessus. Parce que moi, en général, les filles que je connais, elles voudraient partir faire un câlin, mais justement pas avec leur mari. D'où le départ précipité. Je te fais des bisous, Priscilla. Oui, vaché. J'ai une question par rapport aux enfants. Tout le monde dit ça, mais genre, on peut pas faire l'amour quand les enfants sont dans la chambre à côté? Qu'est-ce qui est dérangeant? Tu peux les premiers mois, mais. Bah, s'ils rentrent. Ouais. Bah oui, mais s'ils rentrent, tu dis, ah, voilà, de toute façon, il faut qu'ils comprennent la vie, non? Ouais, mais enfin, un bon. Jour, c'est un peu si, un jour, si tu veux des enfants, tu feras comme papa et maman. Ouais. Pas dans cette position, parce que c'est très dangereux. Mais tu feras comme papa et maman. Alors, autant te dire que moi, mon fils, il peut rentrer, il peut vivre, même. Oh non, papa et maman sont en train de dormir, comme tu veux. 41% des femmes ont déjà écourté une soirée parce qu'elles avaient trop mal aux pieds. Bah oui, bien sûr. Il n'y a que les femmes. Mais oui, vous achetez des chaussures parce qu'elles sont jolies, mais elles ne sont pas du tout confortables et vous les mettez quand même. En fait, il y a deux solutions. Soit tu les enlèves, mais du coup, après, tu as les pieds crades. Soit tu passes le reste de la soirée assise. Moi, c'est ce que je fais en général. Ah ouais, ça fait les malines à mettre des talons et bah ça finit en ballerine. C'est pour ça que moi, je voudrais parler au nom de tous les hommes de France et du monde entier de cette catastrophe qui, petit à petit, est en train de posséder la terre entière. Ce sont. Les ballerines, la fameuse paire de ballerines que la nana met dans son sac à main, elle part avec des jolies chaussures à talons, d'accord, qui font de belles jambes, qui galbent les hanches, et au bout d'une heure, elle se retrouve avec des ballerines toutes moches pour faire genre oui, mais là j'ai mal aux pieds. C'est horrible, et puis tu pues des pieds avec des ballerines. Ouais, les ballerines, c'est le tue l'amour, je pense. Hein. Moi je lui ai dit à ma meuf, tu mets des ballerines, je te quitte. Ah ouais, carrément. Y a pas de vanne. Et du coup, elle met des ballerines tous les jours, et c'est bon. Qu'est-ce qu'il attend? De Parakeet, Save Me, c'est tout de suite sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. C'est Fun Radio, bon réveil la famille. On aura Gaëlle au téléphone là dans quelques secondes. Bonjour Gaëlle. Bonjour Bruno, bonjour l'équipe. Bonjour. Gaëlle, t'es notre loseuse du jour. Une lose qui pourrait arriver à tout le monde, mais qui est tombée sur toi. Voilà, tu vas nous expliquer ça dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Je suis un chien, j'ai chaud. Nicole Pervers qui arrive dans quelques secondes. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. Et cette info qui vient de tomber pour les Jeux Olympiques, les amis, les prochains Jeux Olympiques. Et ben, il y aura peut-être une nouvelle épreuve, la pêche. Mais non, tu déconnes. Ah bon ? Ouais, la pêche sportive. D'accord. Sportive. Parce que c'est, je sais pas. Peut-être que tu pêches la truite, mais avec une casquette et un dossard. Je sais pas ce que ça s'appelle. Ça va rentrer. Ouais. Ils veulent rajouter aussi aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 le skateboard le baseball, l'escalade et le karaté. J'étais persuadé que ça y était. Ah oui, moi aussi. Non, c'est que du judo là pour l'instant. Et la pêche, voilà. D'accord. Ok, on va se régaler. Ouais. Bon, allez, vous restez sur Fun Radio. On est là en direct dans 4 minutes. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Salut, c'est David Guetta. Découvrez mon nouveau single sur Fun Radio. The Weeknd et Daft Punk. Fun. Arizona et Robin Schulz. Sean Frank. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun. Sur funradio.fr. This is Lara Croft. Fun Radio présente la Paris Games Week by Coca-Cola. Le salon français du jeu vidéo du 27 au 31 octobre 2016 à Paris Expo, porte de Versailles. Venez découvrir en avant-première avec les jeux vidéo les plus attendus de la fin d'année. À la Paris Games Week, le jeu vidéo fait son show. Avec Fun Radio. Ok. Fun Radio. Le son dance floor. Je suis en train de me chauffer sur le bootleg de ce matin, les amis, parce qu'aujourd'hui... Oh putain, c'est vendredi! Et le vendredi, on sort un bootleg. un mashup de ouf. Celui de ce matin, il y a Bieber. Et voilà, bah, je mens jamais sur mon âge. Je sais qu'il y a beaucoup d'animateurs de radio qui n'osent pas dire « Moi, voilà, j'ai 45 ans, qu'est-ce qu'on s'en branle ?» Et derrière, il y a un son de « Quand j'étais petit ». Le tout mélangé, les amis. Je peux dire que quand ça va partir, si vous avez du mal à vous réveiller ce matin, je vous le passe dans moins d'une demi-heure, la claque, elle arrive là. Et tu tends la joue, paf ! Tu vois, et quand tu l'arrêtes, t'étais parti dans le truc. Ouais, ouais. On est frustré du coup. Ben, je sais, je vais le passer tout à l'heure. Je suis un chien. Ah bah, en parlant de frustré. Nicole Pervers, en rien. Ça va arriver là sur Fun Radio, mais pour l'instant, je voudrais que l'on accueille ensemble Gaëlle. Rebonjour Gaëlle. Rebonjour. Gaëlle, tu as 26 ans, tu habites à Villefranche-sur-Saône. Bonjour au département du Rhône qui se réveille avec Fun Radio. Tu fais quoi dans la vie, ma Gaëlle? Je suis secrétaire médicale. D'accord, secrétaire médicale. Gaëlle, putain, secrétaire médicale. C'est le boulot, je pense, où t'as le plus de chances d'attraper des saloperies. La période de l'hiver, là, où les gens arrivent avec des grippes, des bronchites et tout, ils s'arrêtent devant toi en disant « J'ai rendez-vous avec le docteur. » Et vas-y sur les miasmes. Gaëlle, oui. Est-ce que tu peux raconter ta loose aux auditeurs de Fun Radio, s'il te plaît, ma chérie? Ils vont se reconnaître. Alors, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en rentrant chez moi, en sortant de l'ascenseur, j'ai laissé tomber mes clés et elles sont passées entre l'espace entre l'ascenseur et le palier. Oh voilà. Oh, la galère. Voilà, voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, et... elles sont arrivées tout en bas de l'ascenseur et j'ai été obligée d'appeler un dépanneur. La personne au bout du téléphone m'a dit, bah, concrètement, soit vous pouvez attendre 6 semaines qu'on vous les récupère gratuitement. Ouais. Soit vous demandez une intervention spéciale et ça coûte quasiment 200 euros. Voilà. Et alors, il y a aussi la troisième solution d'appeler un serrurier qui vient ouvrir ta porte. Et là aussi, c'est pareil. Ça te coûte à minima 200 ou 300 balles. Et donc, quoi qu'il arrive, tu l'as dans le cul. Lulu. Et encore, les tarifs dans les grandes villes, c'est, je me suis renseigné, vaut mieux racheter une nouvelle maison qu'appeler un serrurier. Ça coûte moins cher. Bon, et Gaël, mais alors, à la finalité, tu t'es démerdé comment? Le mieux dans ces cas-là, c'est d'être en couple et d'attendre que ton mec ou ta meuf rentre pour t'ouvrir la porte. Eh ben, c'était ça. C'est que mon conjoint est rentré peu de temps après, il nous a ouvert, donc on pouvait rentrer à la maison. Le problème, c'est que mon trousseau de clés contient également mes clés de voiture. Oh, merde. Donc, dans tous les cas, je devais les récupérer absolument. Bon, ben, donc, ça veut dire 200 balles. Ben, tu sais quoi, et Gaël, voilà. 200 balles, tu m'envoies la facture. Oui, enfin, on est locataire, donc je suis pas sûre que je l'ai encore, mais... Bon, mais sinon, dès que tu l'as, la facture, tu me l'envoies à facture@funradio.fr. D'accord, mes chéris? Eh ben, y a pas de soucis. On te fait des bisous, Gaëlle. Après, y a des techniques. Sinon, tu vas tout en bas, au moins 3, tu prends un cintre et tu fais une pêche à la ligne. T'essaies de récupérer tes clés, elles sont tombées droites. Alors hop, toc toc toc. Et c'est impossible. Non, mais c'est impossible. Mais de l'ascenseur, même si tu vas au rez-de-chaussée, souvent c'est bien au-dessous du rez-de-chaussée, le bas de la cage d'ascenseur. Bah, ouais. Tu mets des cintres, plusieurs cintres. Et tu vois pas où tu vas. Mais avec de la chance, ça va, c'est pas le monde de la Narnia non plus. C'est pas une étagère où tu rentres et tu vas dans un monde parallèle. C'est le bas de l'ascenseur. Mais non, mais souvent t'as minimum un bon mètre. Excusez-moi, dessous. Est-ce que MacGyver peut fermer sa gueule? Tu verras MacGyver ce qu'il te dira quand quoi. Nicole Pervers, tout de suite avant le JPI. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. Comme Zinedine Zidane, je veux la mettre dans le mille. Je suis un chien. Ce soir, j'ai des fourmis dans ma culotte, je vous le dis. Je suis un chien. J'ai préparé des nouilles pour y tremper mon kikir. Je suis un chien. Je vais faire tub chef jusqu'au bout de la nuit. Je suis un chien. Ce soir, j'ai la tour de piste plus redressée que jamais. Je suis un chien. Comme Renaud Laville et Nîmes, ma perche, je veux la planter. Je suis un chien. Houston, soyez prêts, boum, ma fusée décolle. Je suis un chien. Mon seul but dans la vie, c'est Ken, et ce depuis l'école. Je suis un chien. Je sens que je suis en train de briller. Normal, c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur. Si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi, ce soir, je suis en chien. Je suis en chien, je suis en chien. Crois-moi, ce soir, je suis en chien. Je suis en chien. J'arrive pas à chanter dans les aigus, ok. Un point pour soprano, 0 pour Nico. Je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. J'ai chaud, je suis un chien. Comme l'équipe de Guingamp, mon palmarès est gênant. Je suis un chien. J'ai trempé mon pinceau dans de la terre, dans de la purée, dans du flan. Je suis un chien. J'aimerais aller de l'avant et me trouver une petite meuf. Je suis un chien. En attendant, je fais des trous dans le coussin du canapé neuf. Je suis suis un chien. Ce soir, je veux que ma tour Eiffel caresse un nuage. Je suis un chien. Je voudrais qu'un bouquin accepte que je mette mon marque-page. Je suis un chien. Je voudrais insérer ma péniche dans un lac. Je suis un chien. En clair, je recherche un huc, un boule pour le manger, lui mettre des claques. Je suis un chien. Je sais que je suis en train de briller parce que j'ai la peau grasse. 30 ans que j'aimerais tremper mon spéculoos dans une tasse. Si tu me croises, je n'ai pas peur. Si tu me parles, n'ai pas peur. Si tu me touches, je n'ai pas peur. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien. Je suis en chien. Même si putain, je suis en chien. Je suis en chien. Je suis en chien. Crois-moi, ce soir, je suis en chien. Je suis en chien. Je suis en chien. Yeah, même mon chien, il est un chien. Ça sent la ken, ça sent. Ça sent la ken, appelle tes copines. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis prêt à ken, je le sens. Je suis prêt à ken, appelle tes copines. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Le jour de la ken, c'est maintenant. Faut que ce soit maintenant, appelle tes copines. Je suis chaud, même leurs grands-parents. Je suis chaud, je suis chaud. Je veux plus ken des pots de fleurs, d'échappement ou de beurre. Appelle tes copines, je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis chaud. Je sens que je suis en train de briller, normal, c'est que je transpire trop. 30 ans que j'aimerais rentrer mes petites chouquettes au fourneau. Si tu me croises, n'aie pas peur, si tu me parles, n'aie pas peur. Si tu me touches, n'aie pas peur, même si... Putain, je suis un chien. Bon, et l'original, c'est Soprano. Si on peut, je suis chaud, vous l'avez reconnu quand même, Soprano, lundi matin, en direct avec nous sur Fun Radio. J'adore. Il vient vers quelle heure, Soprano? 8h15? Ouais. Il sera avec nous lundi matin, Soprano. J'ai hâte. Grosse semaine, hein, la semaine prochaine, il y aura je sais qu'il sera avec nous mardi, Jean Dujardin. Et Bruno Salomon. Et Bruno Salomon, évidemment. Dans 5 minutes, 7 heures. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, le commandant Cousteau adorait les morues. Justice, 5 membres du clan gitan des Lopez ont été condamnés pour leur implication dans des coups de feu à Clermont-Ferrand. Je vais vous enculer, vous noir ! Alors, si je puis me permettre, Monsieur Lopez, en prison, ça risque d'être l'inverse. Débat. Hier, c'était le premier débat de la primaire de la droite et du centre. Oui, alors, excusez-moi, mais hier soir, ils s'affrontaient en disant que les autres candidats étaient mauvais, c'est bien ça? Ouais, ouais. Ok. Et quand le candidat sera élu, les autres voteront pour lui, c'est bien ça? Tout à fait. Ok, donc on se fout royalement de notre gueule, en fait, hein? Voilà, c'est ça. Il y a 4 ans, jour pour jour, Félix Baumgartner réalisait l'exploit d'effectuer le plus haut saut en chute libre jamais réalisé depuis une altitude de 39 376 mètres. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Anthony ? Anthony ? Oui, je suis en train de tenter de battre ce record ! Je fais une chute libre de 50 000 mètres ! Et vous sautez où ? Secret Story. Oula, oh là là. Vous n'avez pas fini de tomber, Anthony. Ouais, c'est bon, allez, stop. Et pour finir, si vous aimez le Scrabble et les plaids, vous êtes vieux. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Et on embrasse, bien entendu, Benoît de Secret Story. Il y a du Vaché Time qui arrive là dans 3 minutes sur Fun. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Un bon coin, j'ai appelé une annonce du bon coin. Une petite annonce du bon coin? Ouais, j'aime bien les appeler pour les faire chier. Aujourd'hui, j'ai remis un peu en question une nana sur son hygiène parce qu'elle vendait des chaussures. D'accord, ça arrive après David Guetta. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son dance floor. Yeah. demi-heure qui arrive sur Fun Radio. Je vais payer de la facture à 7h10. Puis là, il y a le bootleg du vendredi qui est chaud bouillasse. Fun Radio DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! Du 19 au 23 octobre, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, hello, it's Martin Garrix. Quel DJ Fun Radio repartira avec le plus de trophées? Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam. Du 19 au 23 octobre, avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Tout doit disparaître chez Conforama. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour profiter jusqu'à moins 50% sur une sélection de meubles, déco et électroménagers. Par exemple, la banquette BZ Céline est à 199,50€ seulement. Eh oui, c'est incroyable! Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. C'est en exclu, c'est chez U, les ventes privées live. Jusqu'à samedi, avec les ventes privées live, moins 50% de remise immédiate sur l'étui 185 grammes de saumon fumé Le Norvège d'Aberry, soit 3,81€ seulement. Oh. Et aujourd'hui et demain, avec votre carte U, bénéficiez de 20% supplémentaire en euro carte U. Profitez des ventes privées live avec le prospectus. Conditions et magasins participants sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. Élevé en Norvège, transformé en France, soit 20,59€ le kilo. Pour votre santé, bougez plus. Bougez pas, Bruno. Vous restez sur Fun Radio à 7h10, je vais payer votre facture. Quelle que soit votre facture, vous pouvez l'envoyer dès maintenant, facture@funradio.fr. On vous appelle en direct et c'est Fun Radio qui paye. C'est la classe, hein. C'est dans deux minutes sur Fun. Fun Radio, Fun Radio. Le son Flore. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 14 octobre. Les infos avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et on commence par la météo. Un temps toujours très perturbé dans le sud avec des nuages, de la pluie, des orages et du vent. Le ciel restera chargé jusque dans le nord-est. C'est vers l'Atlantique que l'on retrouvera des éclaircies. Il fait 6 à 11 degrés ce matin. Dans l'après-midi, comptez 12 à 15 degrés jusqu'à 20 en Méditerranée. Et donc ce matin, 4 départements sont en vigilance orange. L'Hérault et le Gard pour pluie inondation. L'Aude pour le risque de vagues submersion et le Var pour les orages. Cette nuit, 115 personnes ont été évacuées dans un camping à Vias. Les cours sont suspendus aujourd'hui dans l'Hérault. L'hommage aux victimes des attentats de Nice prévu ce soir est reporté à demain. Alain Juppé, grand gagnant, le maire de Bordeaux est sorti vainqueur du premier débat télévisé de la primaire de la droite et du centre selon les sondages. 36% des sondés le désignent en tête devant Nicolas Sarkozy, 22% et François Fillon ex-aequo avec Bruno Le Maire, 11% chacun. Sécurité, économie et affaires judiciaires ont rythmé les paroles des 7 candidats. Jacques Chirac de retour à son domicile parisien. L'ancien président de la République a quitté l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Hier, il va poursuivre sa convalescence chez lui, 3 semaines après avoir été admis pour une infection pulmonaire. La contre-attaque des avocats de Karim Benzema, ils vont réclamer aujourd'hui devant la justice l'annulation de l'ensemble de la procédure dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. La cour d'appel de Versailles doit notamment se pencher sur la validité des négociations téléphoniques entre un policier qui se faisait passer pour un homme de confiance de Valbuena et un maître chanteur. Sur les terrains ce soir de football, début de la 9e journée de Ligue 1, Toulouse-Monaco c'est à 19h, Nice-Lyon à 20h45. Enfin, participez au prochain spot pub de Fun Radio, il sera diffusé au mois de novembre à la télé. Postez dès maintenant vos photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag ambassadeur Fun Radio. Bon réveil sur Fun. Vendredi, nous sommes le 14 octobre. Vous écoutez Fun Radio, il est 7h03. Bonjour! Bonjour! Oh putain, c'est vendredi! Oui, les amis, c'est vendredi en mode week-end là, à partir d'aujourd'hui. Et partez bosser de façon détendue. Peut-être même vacances pour certains à partir de ce soir. Je sais que normalement c'est mercredi, mais il y en a qui dès aujourd'hui se sont dit allez hop, et dis donc je vais me poser à la cool. Et ben vous avez choisi Fun Radio pour vous poser, vous faites bien. The Chainsmokers, ça arrive dans quelques secondes. Et puis vous le savez, le matin, c'est une véritable chasse que se livrent les radios. Une chasse à l'auditeur. Nous sommes là, tous les animateurs de toutes les radios avec un micro qui se transforme en fusil. Et l'auditeur qui sort de son réveil, la truffe toute fraîche, encore perlée de rosée du matin, et qui sent dans la clairière vers quelle radio il va aller. Comment on fait pour l'appâter? On l'appâte avec les choses qu'il n'entend pas ailleurs. Et sur Fun Radio le matin, on a le bootleg du vendredi. Et je peux vous dire que celui de ce matin va vous laisser sur place. Je l'ai mise ma cartouche. C'est beau. Attention Bruno, un auditeur derrière toi. Justin Bieber, Survivor et Bronze qui bite. C'est un mélange de 1000 doses. On va vous le mettre avant 7h30. Il y a Christina qui est là. Bonjour, ce matin. Je suis absolument fan de ce nouvel accent, Elliot. Ouais, les chasseurs. Enfin, l'accent du chasseur, on n'avait jamais eu. Attention Bruno, c'est salut, c'est le chasseur. Merci. Ça va bien tout le monde. Il a changé. Oui, alors, ouais, ouais. Ouais, il dérive après. Parce qu'en vrai, c'est ça va bien tout le monde. Donc c'est un chasseur italien. Ouais. Et okay. Il était un peu belge aussi à un moment. Ça va mon vaché? Ah, ça va super. Moi, je dors pas, j'ai un bébé, tout va bien. C'est la question que j'allais te poser. Les auditeurs demandent comment ça se passe là. Alors bon, au niveau de George, on est en équipe de jour, équipe de nuit. Tu vois, c'est un peu comme les pompiers. D'accord. Moi, je suis équipe de jour, je m'occupe de lui, machin, et la nuit, je dors, et c'est ma femme qui s'occupe de lui, parce que la nuit, il ne dort pas du tout, du tout. Ah, du tout. Mais attention, petite amélioration. Cette nuit, il a dormi 2 heures. Donc j'ai croisé ma femme à la salle, dans la salle de bain, elle avait les yeux ouverts. Ouais. J'ai dit mais ça va? Elle me dit oui, j'ai dormi 2 heures. Ah. Et là, je me suis dit ah c'est ça être parent. Si tu dors 2 heures et t'es heureux. Ah ben c'est la merde. De toute façon, et je t'avais prévu, ouais, avoir un enfant. Oui, c'est le début, c'est le début. Les gens qui vous disent avoir un enfant, c'est génial. Non, mais c'est génial. C'est une conspiration. C'est génial. C'est comme faire l'amour, c'est génial, mais c'est crevant, quoi. Exactement pareil. Allez, les amis, va chez Time. Bruno. Vaché time. Oui, oui. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Et des fois, je vais sur le bon coin pour regarder un petit peu les petites annonces et j'essaie de me faire passer pour un gars qui veut acheter quelque chose. Donc là, j'ai appelé une nana qui vendait des chaussures. Et ce que les gens n'aiment pas, c'est quand tu commences à critiquer un peu la photo que tu vois. Là, c'est, ouais, en l'occurrence, c'était la photo des chaussures. Voilà, quand tu remets un peu en question leur hygiène, tout ça, ils n'aiment pas. Et vous verrez à la fin que j'étais peut-être pas si loin de la vérité au final. Hein. On écoute. Allô? Oui, bonjour madame. C'est vous qui avez mis une annonce sur le bon coin, je crois? Oui. Pour des chaussures? Oui, oui, c'est moi, oui. Alors, elles sont très grandes. Vous avez des grands pieds? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je chausse du 41. Oula, ah oui, c'est pas très beau pour une femme, ça. Je voulais savoir, les chaussures, elles ont l'air sales, hein, sont abîmées. Bah, pas du tout, elles sont toutes neuves, là, je les regarde, elles sont toutes neuves à l'intérieur. Pas les chaussures en elles-mêmes, mais je veux dire, vous avez transpiré dedans, vous suez des pieds, vous êtes une femme qui sue beaucoup, je pense. Non, bah, non, non, non, il n'y a pas du tout de transpiration dedans. Si, hein. Si, ça brille à l'intérieur, c'est gênant d'ailleurs. Mais non, mais ça, c'est la photo, hein, parce que elles sont impeccables. Excusez-moi. Oula, vous savez ce qu'on dit, hein. Femme qui tousse. Femme qui pue les pieds. Mais écoutez, je sens pas mauvais des pieds, mais... Même si ça rime pas, on dit ça. Vous êtes une crasse-pouille. Mais écoutez, vous arrêtez. Vous êtes Shrek, en fait. Parce que là, moi, j'en ai marre. Hein. Je vous inviterai jamais chez moi. Avec vos pieds qui transpirent, ça va faire une inondation. Eh, attendez. Allô? Ça commence à bien faire, là. Allô? Oui, allô? Qu'est-ce que ça dit à ma mère? Oula, je dis juste qu'elle pue des guêpes, c'est la vérité. Après, c'est pas un défaut, on a tous des défauts. Moi, par exemple, je suis gourmand. Bon. Et toi, tu pues de la gueule! Repassez-moi votre maman crado, c'est avec elle que je vais faire affaire. Non, non, hé, gars! Mais... Ah, ben, c'est dégueulasse! Je pense que je suis vraiment tombé chez les tuches, en fait. On me l'avait jamais fait. Voilà, c'est une première, il faut toujours une première. Vous arrivez sur Fun Radio. Les amis, nous redonnons aux mots poésie et aux mots classe. Bah oui. Ces lettres de noblesse. Voilà, c'est tout. Vous êtes sur Fun Radio. C'est important. C'est quoi vraiment ce qui manque? La petite touche finale, ouais, ce serait la poser dessus un petit... Et je pense qu'on a la complète. Chainsmokers, tout de suite, Closer sur Fun Radio. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. As good as the day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Depuis ce matin avec ce son, dans moins de 10 minutes, il y a le petit mashup du vendredi qui arrive. Regarde, j'ai la chair de poule. Il est. Je peux finir à poil dans le studio, j'en ai rien à foutre. Okay. La Témon, les amis, donc il y a du Justin Bieber, du Survivor, du Bronze qui beat. Et quand ça monte là, Chut, calmez-vous. Ça me on est chaud là. Surtout que nous, on est en train de se chauffer dans cette équipe, etc. Et on voit bien dans l'équipe qu'il y en a un qui freine des quatre fers, comme dirait ma mère. Il freine des quatre fers. Nous sommes dans une ambiance festive depuis 6h du matin. Toute l'équipe de Bruno dans la radio, à tous les postes qui font cette émission, que ce soit au niveau du web, que ce soit au niveau de la rédaction du JPI, que ce soit au niveau des micros qui sont ouverts, au domaine de la réalisation gérée de main de maître par Fonf. Ça va. Mais jetez un coup d'œil, les amis. Tous maintenant et via les caméras sur funradio.fr, au standard. Qu'est-ce qui se passe, Luzman? Je suis en stress, c'est horrible. Je rencontre pour la première fois ce soir mes beaux-parents. Oh, c'est une formalité, ça. Alors, tu ne feras jamais ton coming out. Tu vas pousser la vanne jusqu'à nous faire croire que t'as des beaux parents avec une hypothétique meuf qu'on n'a jamais vue. Oui. D'accord. Elle s'appelle comment ta chérie? Patrick. T'as hésité. Non, et sérieusement, première rencontre avec les beaux parents ce soir? Ouais. Bon, merde. Ouais. Ils font quoi? C'est quoi leur métier? Alors, maman, elle est maman au foyer. Donc elle s'est occupée de ses trois filles. Et papa a bien réussi dans les affaires. Oh là. C'est-à-dire, il est quoi? Dans la banque? Dans les finances? Je crois qu'il est dans les assurances, je suis pas sûr. Ah merde. Et toi, t'arrives avec ton statut de standardiste pour une émission où on fait les cons, quoi. Voilà, c'est ça. Quand je vais lui dire que j'ai bouffé un cul-bord la semaine dernière pour faire rire, je sais pas si ça va. Ouais, dis bien un cul-bord, dis pas un cul-bord. Ouais, tu sais quoi, dis un bouillon magie. Ouais. Déjà, dis bouillon magie tout de suite. Parce que là, la façon dont tu l'as dit, j'ai compris un cul-mort. Faut faire attention à ça. Attention. Non, deux, trois trucs. Les fringues. Ouais. Le parfum. Pue pas la transpi, quoi. Ouais, il faut que tu sois propre sur toi, les fringues. N'en fais pas trop parce que Surtout, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour qu'une première rencontre se passe bien comme ça? C'est ça qu'il faut lui dire peut-être, non? Ouais. L'humour peut-être, il faut, je sais pas. Bah, surtout Luzman, hein. C'est quoi, les amis, on le fait d'habitude pour les auditeurs de Fun Radio, il n'y a pas de raison, on peut le faire aussi pour nous. Fun. Service Express. Oh Elliot, vous avez remarqué, il est tellement fatigué le vendredi, il tape plus des mains, il fait J'ai dit youpi tralala. Oh waouh, youpi tralala. Ça met de l'ambiance. Super. Les amis, venez filer vos conseils, là, 32-28. Dites-nous, voilà, ce qu'il faut faire ou pas faire lors du premier rendez-vous avec les beaux-parents, la rencontre avec la belle famille. Et peut-être que vous, vous avez eu des vrais moments de solitude, vous avez merdé. Venez nous raconter au 32-28 pour que justement on s'en inspire et que Luzman ne fasse pas la même connerie. Oui, Elliot. Faut pas oublier de ramener un cadeau. Bon, faut pas te louser. Moi, par exemple, la première rencontre avec mes beaux-parents, j'ai ramené une bouteille de vin pour s'en faire plaisir. Mais voilà, le père était anti-alcool. Ancien militaire. D'accord. Et ma meuf. Vous pouvez pas savoir. Ma meuf, elle aurait pu me bouger son cul, me le dire quand même. C'est vrai. C'est bon, connu que les militaires, ils aiment pas l'alcool, Elliot. Ils préfèrent les chèvres. Il y a une légende qui dit ça. On embrasse les militaires. 32-28, les amis, on fait de la radio ensemble là, dans moins de 10 minutes. Voilà, venez nous faire un petit coup de main là. C'est pour Luzman du côté du Standard. Pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô ? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, 7h15, 8h15, en direct sur Fun Radio, je paye vos factures. Profitez donc du week-end pour les envoyer, vos factures. Vous le faites par courrier à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008 Paris, ou bien par mail, facture@funradio.fr. On vous appelle en direct le matin. La facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour nous. On part à Massevaux, les amis, c'est dans le 68, département du Haut-Rhin, Massevaux. On part chez Manon. Et il faut décrocher pour que la facture soit payée. Allô ? Et c'est le cas. Allô, bonjour. Bonjour. Manon, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno sur Fun Radio. Et ben voilà. Ouais ! Bravo ! Bravo ! Comment ça va, ma Manon ? Ça va, ça va. T'as un grand sourire. Ça fait plaisir. Oh là là, et tu sais quoi ? Ce genre de sourire le matin, ça fait tellement plaisir. Oui, ça c'est tous les jours, c'est grâce à vous. C'est gentil. Oh, Manon, merci. T'as quel âge, tu fais quoi dans la vie à Massevaux ? J'ai 24 ans et je suis chauffeur de taxi. D'accord. T'es pas emmerdée à 24 ans quand t'es une fille chauffeur de taxi ? Non, ça va. Après, c'est des taxis commandés, donc j'ai pas de problème. D'accord. Ah oui, c'est genre pour aller amener des personnes âgées dans des centres hospitaliers, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Très bien. Manon, tu m'as envoyé une facture de 190 euros. Qu'est-ce que c'est ? C'est un stage de pilotage d'hélicoptère. C'est pour le cadeau de mon chéri qui avait anniversaire vendredi dernier. Wow. Génial. Alors attends, parce qu'il veut devenir pilote d'hélicoptère ? Non, pas du tout. C'est une activité comme ça à faire. D'accord. Ah oui, tu fais un petit tour d'hélico, Ouais, hélico, c'est génial. Voilà. Mais c'est il voulait faire un tour en hélicoptère et puis au final, j'ai trouvé un stage de pilotage. Mais bon, ça lui a pas vraiment plu. En un coup, t'as le droit de toucher les manettes, quoi. Le premier, comme les petits hélicos que t'as devant les supermarchés où tu mets une pièce et qui secoue. Ouais, parce que celui-là, il décolle. Mais c'est hyper dangereux. Oui, c'est ça. Bah ouais, mais bon. Il est suivi quand même. En fait, maintenant, tu voulais te débarrasser de ton mec. C'est ça, le message que tu veux passer. Non, pas du tout. On avait tous la même réaction, c'est faux, hein. Bon, et tu disais qu'il a pas kiffé de ouf. Non, il voulait autre chose. Et puis, je me suis fait un peu avoir. Oh merde. Je pensais lui faire plaisir, et puis voilà. Tant pis. Bon, du coup, c'est remboursé, donc c'est génial. Et exactement, tu pourras voir pour un autre cadeau. Ouais, Manon, te fait des bisous, ma chérie. Merci beaucoup, bisous à vous. Bisous. Bonne journée, ciao ciao. Oui, Elliot. Je pense que t'es un pilote quand même, et genre c'est une fois en l'air où tu peux toucher un peu son manche. Bien sûr, c'est ça. J'ai pas fait exprès. Tu peux toucher un peu son manche. Et le pilote, du coup, il est très très gentil. Et le tour, il dure un peu plus longtemps que normalement. J'ai pas fait exprès en plus. Ça vous dérange pas si je vous touche votre manche ? Allez-y, contrebraqué. Ah ouais, c'est bon, voilà. Regardez, je vais faire un deuxième hélicoptère. Dans l'hélicoptère. Ça marche rien. Les amis, dans quelques secondes. C'est le bootleg du vendredi. Patience. Oh non. Oh non. Ça arrive après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Découvrons Samy Jean fait des tonnes qui nous parle de sa victoire au nouveau Boost Ordre du Quintet Plus. Les chevaux couraient tellement vite, il y avait des flammes sous leurs sabots. Les 5 que j'avais choisis se sont tous mis à voler. Et là, tu me crois pas, ils ont tous passé la ligne d'arrivée dans l'ordre. Ah oui, quand même. Avec le Boost Ordre du Quintet Plus, c'est 1 million d'euros garantis en plus à partager chaque dimanche entre les gagnants ayant trouvé les 5 premiers chevaux dans l'ordre. Montant minimum complémentaire, jour de redistribution porté à la connaissance des parieurs. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Galerie Lafayette. Bonjour, c'est Garance Doré. Du 12 au 23 octobre, c'est les 3J des Galeries Lafayette et on peut y trouver toutes mes pièces préférées de la saison jusqu'à moins 50%. J'adore. Et ça marche aussi sur galerielafayette.com. Alors, foncez. Du 12 au 23 octobre, les 3J des Galeries Lafayette, c'est jusqu'à moins 50% sur une sélection mode signalée en magasin. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché. Eh oui, ça continue. Le faux filet de bœuf 3 étoiles à griller, Jean Rosé, Origine France, est à seulement 9,50€ le kilo. Oui, 9,50€ le kilo et Origine France. Mais c'est seulement jusqu'à demain. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, faux filet 3 étoiles à griller à partir de 1,5 kg environ. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Jusqu'à 9h. C'est Bruno dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. 7h21 les amis, c'est Fun Radio en direct, on est même en train de faire un petit live là sur la page Facebook de l'émission facebook.com/Bruno dans la radio. 7h21, à l'heure où d'autres radios vous endorment, attention, je vous annonce des décollements de rétine, des percements de tympan, voici le bootleg du vendredi. Dedans, il y a Justin Bieber, il y a un vieux titre des années 80 de Bronze qui beat, c'est une tuerie. Et ça, ce que vous entendez, c'est la musique de Rocky, Survivor. Bronze qui beat, Namas Mamous. Faites péter le son. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. It's not just me, no more shots, I forgiveness. I know you know that I make those mistakes maybe once or twice. About once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem all I do on myself tonight. It's not just me, no more shots. Court. Bah ça va, il fait hyper froid dans le studio. 7h24, vous écoutez Fun Radio, c'est le petit bootleg du vendredi. C'est Porte Nawak ce son. J'adore ce délire du vendredi. Dans quelques minutes, il y aura la chanson du jour. Ça arrive sur Fun. Chanson du jour, il y a Emeline qui veut appeler sa mère. Elle a perdu 4 points à son permis. Alors, comme c'est un permis probatoire pour l'instant, elle en a 8. 6, je crois que c'est 6. Ah bah 6 moins 4, alors ça fait 2. C'est chaud. Elle va annoncer ça à sa mère, elle sent qu'elle va se faire charcler. On va le faire pour elle, ce sera là en direct, chanson du jour. Petit extrait de la chanson de ce matin, tiens. Si je suis là, c'est que je dois t'avouer que j'ai fait une belle connerie. Mais pour l'instant, service express. Les trucs à éviter lors de la rencontre avec la belle famille. Voilà, il faut savoir que Luzman, ce soir, va faire la connaissance de sa belle famille. Déjà, dis-nous comment s'appelle ta meuf. Constance. Tu vois, il a hésité. Grave. Mec, t'as hésité. Mais non, parce que hésité. Je me suis fait engueuler, là, elle m'a envoyé. T'as pas intérêt à m'appeler Patrick à présent. Pourquoi Patrick? Ah, parce que j'ai dit comment s'appelle ton mec tout à l'heure. Ouais, bon, c'est. Il bon, y a une photo, on n'a jamais pu montrer. Moi, je l'ai vue en photo, elle est très jolie. Hein. Bah oui, elle est très jolie. Moi, j'ai vu, mais j'ai pas vu son visage. Pardon, mais c'est ce que nous montre Luzman en même temps, on n'a pas vu. Bon, oh, elle est mimi, c'est regarde. Ah ouais, Mimi. Eliott qui vient de dire oh, elle est mimi. Mec, on a entendu bon, ce que tu voulais dire. Les amis, comment on fait pour pas merder lors d'une première rencontre avec les beaux-parents? Et voilà, on a besoin de conseils pour Luzman. Il y a Max qui est à Bordeaux, il a 24 ans. Salut Max. Coucou Bruno, coucou la famille. Coucou. Petit coucou. Conseil à Luzman, la première rencontre avec la belle famille. Alors pour la première rencontre, je pense qu'il vaut mieux éviter de trop parler en fait. Ouais, c'est vrai. Ça fait trop affiché. Ouais, je suis d'accord. Vouloir trop en faire. C'est pas bien. Non, et puis ça fatigue très très vite. Ouais, il faut plutôt laisser mettre de la conversation les beaux-parents, je pense. Ouais. Répondre à leurs questions. Après, placer un petit oh bah il est bon votre rôti. Voilà. Très bon le vin, tu vois, c'est voilà. C'est ça. Et pas plus. Je suis assez d'accord avec toi, Max. Je te remercie d'avoir appelé. Oui, Eliott. Vu ce que t'as réussi à lever, franchement, ouais, mets-la en veilleuse. Te connaissant. Lydvine, 21 ans, elle est lilloise. Bonjour Lille, bonjour Lydvine. Bonjour toute la famille. Salut. Bon, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut éviter comme bourde quand tu fais la première rencontre avec la belle famille? Eh ben moi, je conseille tout simplement aux règles d'éviter de les tutoyer. Ah ouais. Bah, c'est normal ça. Ça va t'arriver, dis donc, comment ça à ma couille. Et honnêtement, ça dépend, parce que moi je sais que je suis tombé dans des familles où on se tutoyait assez facilement, et je trouve que c'est mieux. Vous oui, tutoyez vos beaux-parents, vous maintenant, ouais. Aujourd'hui ou ouais. Pas moi je la tutoie, ouais. Bien depuis sûr. Le début. Mais moi aussi, dès le premier jour, il y a des gens qui sont cool. Je pense qu'il y en a plein que moi qui sont dans ma phase. La mère, je la tutoie, mais le père, je sais pas dans quelle phase je suis. Je sais plus si je le tutoie, je le vous vois. Donc je fais des phrases sans dire tu ou. Ah, moi c'est le contraire. Moi je fais pareil, il y a des techniques, genre tu peux. Si tu sais pas si tu dois tutoyer ou vous voyez par exemple, si tu peux pas dire est-ce que vous voulez du pain, donc tu dis du pain. Ouais, voilà. J'ai utilisé ça moi aussi, cette technique. Lydvine, je te fais les bisous, ma belle. Bisous. Ciao, ciao. Non, moi c'est le contraire. Moi je tutoie mon beau-père, je vous vois ma belle-mère. Ah bon? Ouais, je lui dis vous me faites chier. C'est plus poli. Maxime à Arpajon, salut Maxime. Salut la famille. Salut. Bon, les trucs à pas faire pour une première rencontre avec la belle famille. Tu restes pas collé à elle toute la soirée. Ah ouais, ouais. Ah j'avoue, tu touches ma fille, toi je te démonte. Ah oui, ouais, c'est ça, et ça. Pas trop de câlins, ouais, de non, mains déplacées, faites gaffe à ça. Bah oui. Ouais, je comptais pas lui caresser les seins, ouais. Pas non plus de pas non plus de olive. Après, c'est des choix. Maxime, non mais Maxime, il a raison. Un papa, ça reste un papa. Tu viens lui prendre sa fille. Ouais. Ouais. Déjà qu'il accepte que ça, c'est le premier mec qui a la main, parce que ça se trouve, ça a été la foire du trône dans ses fesses. C'était le 27e qui passe à la maison. Non, je suis le deuxième, mais l'avantage c'est que je passe après un dealer de drogue. Donc en théorie, ça devrait plutôt bien se passer, quoi. J'espère. Mais dis donc, en tout cas, elle choisit bien ses mecs. Ouais. Ouais, ouais. Maxime, on t'embrasse, mon pote. Salut la famille. Bisous. Bon, et tu nous débrieferas lundi. Promis. Et je veux tout savoir lundi. Sauf s'il m'étrangle et que je meurs, du coup. Le mais repas, non. Je veux savoir le repas. Je veux. Ouais. Ah non, mais je sais, tiens, on va au resto. Ah bon, oh, bah ça va. Dans un endroit neutre, c'est bien ça. Alors, faut qu'il paye ou pas? Il sort la carte à la fin ou pas? Qu'est-ce ben oui. Ah ouais, merde. Ça, c'est, il y a ça. Faut que tu, que tu dises, je vous offre, non, laissez-moi au moins payer l'apéritif. Ouais. Et ça fait radin si je sors les tickets resto ou pas? Ouais, ah ouais. Ça, c'est direct. Oh, bah là. Là, comment te dire? Laissez-moi payer la moitié des apéritifs parce que c'est quand même des cocktails à 8 euros. Les Richard Orlinski, ça arrive sur Fun Radio avec la voix d'Eva Simons, Earth Beat et la chanson du jour après les news. Votre téléphone commence à fatiguer. Vous voulez le nouvel iPhone 7? La seule solution, écoutez Fun Radio. Dès que vous entendez le double fun, avec les tubes de Sound of Legend et Sac Noël, mixés à la suite. Soyez le plus rapide, appelez Fun Radio, 3228. Et vous gagnez votre iPhone 7. Vous êtes les meilleurs! C'est le double fun, sur Fun Radio. Elle est pas belle, la vie? 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. Avant, vous faisiez collection de vos anciennes lunettes. Et là, nous avons un modèle authentique des années 80. Mais ça, c'était avant. Avec les reprises Chris, vos anciennes paires servent enfin à quelque chose. Rapportez vos anciennes lunettes et recevez jusqu'à 75 euros de réduction sur votre prochaine paire. La fondation Chris Group redistribuera les anciennes à ceux qui en ont besoin. Chris, vous allez vous aimer. Reprise jusqu'au 10 janvier 2017 chez Chris. Réduction valable jusqu'au 28 février 2017 sur votre prochain équipement optique ou solaire. Conditions en magasin, dispositif médical, consultez un professionnel de santé spécialisé. Eh, dis donc, on s'est fait cambrioler pendant les vacances. Il n'y avait pas d'alarme? Bah non, il y a les voisins. Et les voisins, ils ont rien vu? Vous avez remarqué que même quand on est en confiance, même quand on est bien entouré, on n'est pas à l'abri des mauvaises surprises. Bah, le truc, c'est que les voisins étaient en vacances avec nous. Avec le système de télésurveillance du Crédit Agricole, quand votre alarme se déclenche, des professionnels interpellent les intrus et font appel aux forces de l'ordre si nécessaire. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Centre de télésurveillance certifié APSAD, détails sur crédit-agricole.fr. Bon, à la Banque Postale, ils ont étudié votre tendance à garder votre chère vieille voiture. À la Banque Postale, ils ont aussi étudié qu'elle vous coûte quand même plus cher que vous ne l'imaginez, hein, parce qu'elle demande beaucoup d'entretien, cette chère vieille voiture, hein? Heureusement, à la Banque Postale, quand ils étudient, ils agissent. Alors jusqu'au 5 novembre 2016, profitez de leur bon taux sur le prêt personnel auto et en route pour financer votre nouvelle voiture. C'est ça l'énergie citoyenne. Renseignez-vous vite en bureau de poste ou au 3639. Service 15 centimes d'euros la minute plus prix de l'appel. La Banque Postale, banque et citoyenne. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Bougez pas, Bruno. Vous restez sur Fun Radio les amis, dans 3 minutes il y aura la chanson du jour. La chanson du jour c'est quoi? C'est quand un auditeur de Fun Radio fait appel à la famille pour faire passer un message. Et là en l'occurrence, on a Emeline qui veut appeler sa mère pour lui annoncer que elle a perdu des points à son permis. Elle voudrait pas se faire charcler, on va essayer de gérer le truc en direct après les infos. Fun Radio, le son Flav. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 14 octobre et l'info, c'est avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et on va commencer par la météo, un temps toujours très perturbé dans le sud avec des nuages, de la pluie, des orages et du vent. 4 départements sont en vigilance orange, l'Hérault et le Gard pour pluie et crue, l'Aude pour le risque de grosses vagues et le Var pour les orages. Il va pleuvoir aujourd'hui jusque dans le nord-est. Le soleil reviendra sous forme d'éclaircies vers l'Atlantique. Il fait 6 à 11 degrés ce matin. Dans l'après-midi, prévoyez 11 à Aurillac, 12 à Lille, 13 à Paris, 14 pour Quimper et Lyon, 16 à Bordeaux, 17 à Perpignan, 21 pour Ajaccio. 165 interventions des pompiers dans l'Hérault cette nuit. La montée des eaux a fait craindre le pire, mais pour l'instant, les dégâts sont moins importants que prévu. Le Biterrois est le secteur le plus touché. 115 personnes ont été évacuées dans un camping à Vias. Les cours reprendront cet après-midi finalement dans le département. Et sur la Côte d'Azur, l'hommage aux victimes des attentats de Nice prévus tout à l'heure est reporté à demain en raison des forts orages attendus. Dans le reste de l'actualité, le premier débat de la primaire de la droite et du centre, c'était hier soir, 7 candidats face à face. Et c'est Alain Juppé qui a été donné vainqueur par les sondages. Le maire de Bordeaux devance Nicolas Sarkozy et François Fillon. Il a été question pendant 2 heures de sécurité, d'économie et d'affaires judiciaires. En foot, c'est le début ce soir de la 9e journée de Ligue 1. Deux gros matchs au programme puisque les deux premiers du championnat seront sur les pelouses. Monaco se déplacera à 19h à Toulouse. Nice recevra Lyon à 20h45. Enfin, en tennis, Gilles Simon a réalisé un bel exploit hier soir. Le Français s'est qualifié pour les quarts de finale du Master 1000 de Shanghai en battant le Suisse Stanislas Wawrinka, numéro 3 mondial. Il fallait remonter à novembre 2008 pour retrouver la trace d'une victoire contre un membre du top 3. Gilles Simon affrontera l'Américain Sock. Ce sera à 14h. 7h34, bon réveil avec la famille Bruno dans la radio. Tous les matins. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Merci d'être là, c'est vendredi, c'est le 14 octobre. Vous arrivez sur Fun Radio. Fun Radio qui crée l'événement, vous le savez, pour vous, avec du cadeau de ouf. Et ce matin, une nouvelle fois, vous allez repartir avec le cadeau que tout le monde rêve d'avoir depuis hier. La sortie, c'était hier. Il faut savoir que dès mercredi, on a livré ce cadeau chez un auditeur de Fun Radio qui est comme un ouf. Il a envoyé un message hier, ça y est, il s'est fait pote avec tous les mecs qui sont avec lui en cours. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Sa maison, c'est devenu le passage c'est obligé. La star. On lui a offert le pack PlayStation VR, comprenant la PlayStation 4, le casque de réalité virtuelle de PlayStation, la caméra qui va avec, les manettes Move qui vont avec, plus les 11 jeux actuellement disponibles avec la réalité virtuelle, le tout pour 1210€. Oh là là. Oui. Ce cadeau, je vous l'offre une nouvelle fois ce matin. Dans moins d'une heure, vous allez jouer au jeu des 30 secondes. Qui, pour l'instant, est en tête du jeu des 30 secondes? C'est Vaché. Ah oui, j'ai été comme une merde hier, moi. Oui, c'est hier où j'ai joué mal. Un, t'as fait un. J'ai fait un hier. Pourquoi, à chaque fois que je gagne, c'est la personne qui jouait contre moi qui dit j'ai été nul? C'est peut-être moi qui étais bon avec mon candidat, non? Calme-toi, Vaché. Non, non. Franchement, ça me fait mal. Vous allez rejouer ce matin, on vous offre ça, ça part aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que le pack, vous le gagnez ce matin, on l'envoie aujourd'hui par Chronopost, vous l'aurez chez vous demain. Comme oui. Ça, vous l'aurez deux jours après la sortie, ça va. Petit conseil juste, ayez une bonne connexion Internet parce que les 11 jeux, ils sont à télécharger. Alors, renseignez-vous sur quelqu'un qui a la fibre auprès de chez vous. Parce que l'auditeur l'avait pas et donc on a mis 8 heures à télécharger un jeu. Mais c'était et ça, bien. C'est normal. Avec la PS4, t'es un peu obligé. Tu passes une après-midi un peu relou et après, par contre, tu kiffes pendant le restant de ta vie. Ouais, moi je le vois, tu vois. Alors, c'est vrai que j'ai pas une super connexion, mais moi je vois, tu vois, par exemple, la PS4, je l'ai acheté il y a quoi? Il y a un an et demi maintenant. Ouais. Et là, bah, depuis. Et ben depuis 2 minutes, ça y est, j'ai le premier jeu là qui a été téléchargé. C'est bon. Vive la campagne, habiter à la campagne sans la fibre, c'est un bonheur. Allez, 7h36, dans quelques secondes, il y aura Hardwell. C'est le nouveau Hardwell. Première diffusion dans le monde, c'était hier. Putain, et j'ai trouvé ça frais. J'étais dans ma voiture en train d'écouter JB. Tu crois pas que le gars balance le truc? Première diffusion dans le monde entier, même pas en France. Hardwell avec chez Sean. Thinking About You, ça arrive là sur Fun. On a comme un petit problème. Le vendredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. Faites sonner le clairon pour Emeline de M. Bonjour Emeline. Salut Bruno, salut la famille. Salut. Quand je dis de M, c'est pas que tu as un nom à particule, c'est que tu habites à M dans le Nord, on est d'accord? Ouais, voilà, c'est ça. Ah bon? Tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Salut Bruno, salut la famille, j'ai besoin de votre aide. Je me suis fait flasher un radar feu rouge près de chez moi. Je pensais passer à l'orange et il est passé au rouge et puis flash. Je suis jeune conductrice, j'avais déjà perdu un point. Là, je vais en perdre 4. Il ne me reste donc plus. T'as dit 3. Mais alors, normalement, le permis probatoire, oui. C'est 6 ou 8? Alors, c'est 6 au début. Ouais, voilà, la première année, t'en récupères 2. Donc, exactement. Ça fait 8 la deuxième année, en fait. D'accord, ok. Donc là, tu dis qu'il va te rester 3 points et en plus, l'amende de 135€. Le problème, voilà. C'est que tu ne sais pas comment l'annoncer à tes parents. Pouvez-vous les appeler dans la chanson du jour? C'est ce qu'on va faire. Juste, Emeline, je voudrais te demander, vu que t'as 19 ans, qu'est-ce que t'en as un peu à foutre de la réaction de tes parents, si je puis me permettre? Bah, parce que j'habite chez eux, tout ça. Enfin, c'est quand même... Bah, je sais pas, c'est mes parents qui sont quand même concernés par ce que je fais. D'accord, non mais c'est parce que après, ça te concerne toi, c'est toi, ta faute et ta tannée quoi, ouais, tu mais vois. Bruno, franchement, oui. On a eu le débat dans le bureau hier, on a parlé de la chanson du jour, moi aussi je me disais mais elle fait ce qu'elle veut. Et en fait, par exemple, Nicolas ou même Elliot me disaient mais attends, mais moi je dis ça à ma mère, elle me tue quoi, tu ah vois, ouais même encore aujourd'hui. En fait, regarde, je vais te poser une question simple, qui a payé le permis? C'est mes parents. Ah bah voilà, ah bah oui. T'imagines, tu paumes ton permis et tu t'as fait dépenser chez. Ça y est, je comprends. C'est bon, parents. M'engueulez pas, je peux te poser des questions. Je me renseigne. Tu fais bien, voilà. Moi j'avais payé mon permis, donc moi forcément aussi. Du coup pareil. Je m'en foutais un peu. Ah, moi je roule comme une merde, donc les flashs ils veulent pas de moi. Chaque fois je passe à 40. Ça dit, Emine, les flashs de feu rouge c'est les pires. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais en plus on les voit pas, on le sait pas. Hein. Et je crois qu'ils te flashent même au orange. Hein. Tu dis que t'es passé au rouge, ouais. Mais je crois que quand tu passes au orange, ils te flashent aussi. Faut t'arrêter au orange. C'est quoi ? Je crois que même avec François Hollande, président de la République, ils flashent au vert les. Faut de l'argent. Bon, Emine. Oui. On va faire une chanson à ta maman, on va essayer de l'expliquer, et puis bah après, bah voilà, écoute, c'est comme le sparadrap, on arrache d'un coup, et du coup ça pique, et puis ça passe vite, d'accord ? Voilà, merci. Tu bouges pas. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour. Jocelyne, je m'excuse de vous déranger, je m'appelle Bruno Guillon, et vous êtes en direct sur Fun Radio. Ah bon ? Oui. Et si vous êtes en direct sur Fun Radio ce matin, Jocelyne, c'est que j'ai un message à vous faire passer de la part de Emeline. Oui. Vous voyez qui est Emeline ? Oui, je la connais bien, c'est ma fille. Oui, voilà, très bien. Bon, elle a un truc, elle n'ose pas vous dire quelque chose, donc elle préférait que ça passe par moi. C'est une chanson, en fait. Vous écoutez les paroles de la chanson a été écrite pour vous, d'accord ? D'accord. Et on en parle après. Ok, Jocelyne, d'accord. Rassurez-vous, vous n'êtes pas grand-mère. Si c'est si, pas de délire de ce côté-là. Ça me rassure. Hey, le sourire de. Rigole jaune. Ok, ça c'est fait. Bon, Jocelyne, vous écoutez les paroles, on en parle après, c'est parti. Et c'est Kiki ? C'est qui te dit ? Si je suis là, c'est que je dois t'avouer que j'ai fait une belle connerie. Avec ma voiture, je me suis fait flasher. Du coup, j'ai moins de points sur mon permis. Maman, je suis désolé, tu vas me tuer. Je perdrai plus de points, c'est promis. Je croyais que le feu était orange avant de passer. J'ai accéléré, je sais pas ce qui m'a pris. Maman, il faut me pardonner. En échange, je pourrais tout nettoyer. Pourrait il y avoir personne blagué. Maman, au moins j'étais pas bourré. J'serais plus un chauffeur champion. Donc j'appuierai plus sur le champignon. Appuyez sur le champignon, on le dit encore en 2016. Chauffeur, oui. Jocelyne. Oui. Est-ce que vous avez compris le message ? Oui, c'était une situation tout à fait réelle d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? Moi, c'est quelque chose qui pourrait arriver, non ? Ah non, mais c'est arrivé. Non, alors, non, en fait, arrivé. C'est arrivé. On vous explique arrivé, oui, qu'elle s'est faite flasher. Ouais, ouais. Et qu'elle vient de perdre 4 points sur son permis parce qu'elle a grillé un feu rouge. Génial. Voilà. Voilà, ça fait plus beaucoup de points. Voilà, et donc ça veut dire qu'il lui reste, il lui reste que 3 points maintenant puisqu'elle avait déjà eu un petit souci. Oui, tout à fait. Voilà. Et on s'est dit qu'en chanson, du coup, vous le prendriez mieux, mais apparemment non. Non. Non, en vrai, elle savait pas comment vous le dire. C'est bon, bah maintenant c'est fait. Et Emeline ? Oui ? T'es en direct avec ta maman maintenant, tu peux y aller. Débrouille-toi. Bah, salut maman. Oh, bah, il me veut alors. T'aurais pas pu me le dire en direct ? Bah, si, mais je savais pas trop comment et je sais pas trop. Donc, du coup, ben voilà, Bruno, il était là pour le dire à ma place. Et ben voilà, donc ben je pensais vraiment que le feuillet était orange et tout ça. Et j'avais pas beaucoup de temps pour m'arrêter. Du coup, j'ai dit, ben tant pis, je continue. Et bah apparemment il est passé rouge quand je suis passée parce que ça a flashé. Comme quoi Emeline, tu vois, quand on fume un pétard, on est moins, on se rend moins compte. Surtout à 200 km/h en ville, t'as pas le temps de t'arrêter au four. Hein. Ouais. Avec non, cette voiture, j'étais juste à 50 en plus. Avec cette voiture volée, enfin bon, tu vois, tu t'en tires bien, vraiment. C'est le principe des go fast, hein, quand tu transportes de la drogue, il faut aller vite. Hein. Donc, Bon, Jocelyne, on vous a fait passer le message. Bah écoutez, j'irai, elle est majeure, elle assume. Hein. Et ben voilà, c'est ce que je veux. Emeline, tu assumes ? Oui, bah oui, j'assume. Mais totalement. Tu vas en chier un peu quand même. Hein. Je pense que ce soir, le week-end va être compliqué. Hein. Je te fais des bisous, ma belle. Merci, bisous à vous. Bisous. Allez, vous restez sur Fun Radio. Il y a Hélène qui a un hashtag à nous proposer ce matin. Et ben on va prendre Hélène en direct là sur Fun Radio après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Salut, c'est David Guetta. Découvrez mon nouveau single sur Fun Radio. The Weeknd et Daft Punk. Fun. Arizona et Robin Schulz. I know.

Il y a une case qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. Vendredi 14 octobre, 7h48, c'est Fun Radio. Il y a Richard Orlinski et Eva Simons qui arrivent. Et le nouveau Hardwell, première diffusion mondiale. Truc de ouf, avant toutes les radios de le monde. Avec Jay Sean, Thinking About You. J'adore ce son. Jay Sean, vous pouvez pas mettre la clim, s'il vous plaît. Merci, Elliot. Et vous riez à ça? Ouais, franchement. Bah, c'est peut-être parce que c'est vendredi. Peut-être. Mais ça ouais. Elliot, il a ce côté, la façon dont il le dit, il rigole, du coup, ça devient drôle. Cool. C'est ça qui est cool. Bonjour, Hélène. Bonjour. Hélène, 28 ans, t'es à Aix-en-Provence. Hélène, ouais. Il paraît que t'as appelé le 3228 parce que t'as une idée de hashtag. Carrément. T'as une idée de hashtag, tu t'es dit, voilà, j'ai un réflexe. Moi, je veux faire passer Bruno Fun Radio au top tweet ce matin, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce que t'as comme idée? Alors voilà, même si j'habite dans le sud, tu vois, d'un coup il a fait super froid. C'est un truc de dingue, là on est en vigilance orange aussi. Ouais. Et cette semaine, je suis passée de la petite robe au super pull, super écharpe, chaussettes, ouais. Ouais, mais il fait si froid. Eh oui, c'est l'automne, ouais. C'est même l'hiver. Tu sais quoi, ça y est, on sait qu'on arrive dans la saison de l'hiver. Moi, tu sais, les gens disent au printemps, été, automne, hiver. Pour moi, c'est été, hiver. Il y a deux saisons. Oui, bien sûr. Ça me déprime. Tu sais que t'es en hiver quand tu commences à changer tes fringues. Tu sais que t'es en hiver aussi, c'est quand il fait nuit à 16h. Hier, j'ai regardé l'heure. En ce moment, je suis dans les répètes du théâtre. Je vois qu'il commençait à tomber. Je dis, ah putain, bah, ça y est, j'ai bientôt fini ma journée. Il devait être 6h30, ouais. Quoi. Et en fait, je regarde, il était 4h15. Oh. J'ai dit, bah merde. Bah, c'est pareil le matin. Tu sais que t'es en hiver quand le jour ne se lève jamais, en fait. Là, il est 7h50. C'est ça, il fait nuit encore. Et tu sais que t'es en hiver quand tu passes tout un week-end sans sortir une seule seconde de ton appart ou ta maison. C'est ça. Hélène, bah, on lance ça. Hashtag, tu sais que tu es en hiver quand. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu sais que t'es en hiver quand. Tu passes de deux pulls, une écharpe, chaussettes pilou, plaid, couette et bouillotte parce que t'as trop froid et que t'as pas encore de chauffage. Alors ça rentrera pas en 130 caractères, ouais. Sur Twitter. Mais en tout cas, ça marche. On lance ça, Maëlène. Si on arrive en top tweet ce matin, on te rappelle, on te fait un petit cadeau, d'accord? Ça va, pas de problème. C'est la mission. Bisous, top tweet du jour. Voilà, lancée par un auditeur. Va-t-elle avoir un cadeau? Réponse à 9h15. Hashtag, tu sais que tu es en hiver quand? Il y a aussi, tu sais que tu es en hiver quand le matin tu prends ta douche et l'eau chaude met 1000 ans à arriver. Ah ouais. Ah ouais. Moi je sais pas si vous avez ça chez vous, mais chez moi c'est ça. C'est vrai que l'été, du coup, tu t'en fous un peu, puis là tu l'attends, donc t'attends. Mais j'ai une technique pour ça. Il suffit de se brosser les dents avant, comme ça t'as fait déjà arriver l'eau tiède, tu vois, pour te brosser, ouais. Les dents, et du coup l'eau chaude arrive plus. Alors, vite. C'est aussi une très bonne technique pour niquer la planète. Ouais, ouais, c'est ça. Tu fais couler l'eau comme ça une heure avant. Voilà. Et quand t'as utilisé 125 litres. Mais non, tu brosses les dents. Ouais, ouais. Les amis, hashtag, tu sais que tu es en hiver quand? Bah, tu sais que t'es en hiver quand t'as plus envie que d'une chose, c'est de manger une raclette. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais, j'ai faim là. C'est vrai. Raclette fondue, ouais. C'est ces plats-là, bien sûr. Ouais. Bah ouais. C'est vrai que raclette en été, c'est chaud quand même. Ouais, sur la plage, ouais. I don't wanna hold back, I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. tuer en hiver quand ? C'est le hashtag qu'on a lancé avec Hélène là, tout à l'heure. J'ai mis, tu sais que tu es en hiver quand tu t'en fous d'avoir l'air con avec un bonnet. Bah, au contraire, c'est stylé le bonnet. Bah, là, ouais, mais t'es content de le porter. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, la petite fille de la pub qui voulait des knackis a finalement eu une bonne tarte dans sa gueule. Récompense, le prix Nobel de littérature a été attribué au chanteur Bob Dylan. Et en même temps, ils n'allaient pas le donner à Jul. Hein. Mon bisou. Oh mon bijou. Arrêtez, je l'ai entendu une fois, j'ai encore dans la tête, je peux m'arracher les oreilles avec les ongles. Mais c'est une parodie, je crois, moi. C'est mon bijou. Bah non. Bon les amis, on laisse faire le JPI. Ouais, ça serait mieux. Télévision, Cyril Hanouna est en train de faire 35 heures de télé d'affilée sur C8. Mais le plus gros exploit sur C8 serait de voir 35 heures de télé d'affilée sans Cyril Hanouna. Hier soir, c'était le premier débat de la primaire de la droite et du centre. Anthony Vossovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, tout à fait. Je vous ai compilé les meilleurs moments de ce débat. Ah, du pipeau. Effectivement, c'était passionnant ce débat. Merci Anthony, à dans une heure pour un nouveau reportage. Non. Ce qui est extraordinaire dans le débat, moi j'ai regardé 2 minutes, tu vois, et après j'ai zappé, mais juste pour voir la gars, comment s'appelle le gars, Jean-Christophe Poisson ? Jean-Frédéric. Jean-Frédéric Poisson. Ouais, mais c'était l'occasion de voir, moi je savais même pas qu'il était en cours. Ah mais personne, mais je pense que, tu sais quoi, ils ont dû filer au vigile qui a contrôlé l'accès du plateau sa photo pour pas qu'il connaisse d'impair. Pas qu'ils commettent d'impair en disant vous êtes qui, vous pouvez pas entrer. Si, je suis Jean-Philippe Poisson. Extraordinaire. Un gros charisme. Voilà. Et pour finir, si Laurent Delahousse était DJ, il ferait un mash-up. Voilà, wow. C'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Oui, alors à tout à l'heure. Première diffusion au monde hier et ce matin sur Fun Radio, voici le nouveau Hardwell. I wake up smiling every morning. Yeah, I don't mind sleeping alone. People ask me if I don't miss you. But I ain't been thinking about all the nights we spent together and how your skin felt on my skin. And I'm just calling to let you know. Ooh, I ain't been thinking about you. Première diffusion mondiale, c'était hier, Thinking About You avec G-Shawn. Sound of Legends, ça arrive dans quelques secondes. Et puis on a lancé ce matin le hashtag tu sais que tu es en hiver quand. Vous avez des idées là pour ajouter, compléter cette phrase. On fait de la radio ensemble au 32-28. On revient juste après les news. Et à 8h10, je paye de la facture. Fun Radio DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! Du 19 au 23 octobre, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, hello, it's Martin Garrix. Quel DJ Fun Radio repartira avec le plus de trophées? Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam. Du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Sympa ton nouveau salon. Merci. Attends, laisse-moi deviner. Hein. Canapé, table basse, bibliothèque, meubles télé, lampe tapis. Allez, je dirais 687 euros. Ouais, comment tu sais? Yes. Bah voilà, j'ai gagné, j'emporte tout. Tiens, tu m'aides à prendre le canapé? Non mais qu'est-ce que tu fais? Repose ça. Ah, si tout était comme chez Ikea. Pendant les journées qui changent tout, devinez le prix de l'une de nos 4 pièces mystères pour la gagner. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin Ikea, jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Conditions sur Ikea.fr. Ikea. Nouveau message, Bouygues Télécom. En ce moment, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7, le Samsung A3 est remboursé. C'est 100% remboursé. Oui, bah c'est pareil. Bon, en tout cas, c'est une super bonne nouvelle. Oui, une 100% super bonne nouvelle. Pendant les jours Tecna Bouygues Télécom, pour l'achat d'un Samsung Galaxy S7 avec un forfait sensation, le Samsung A3 est remboursé avec un second forfait sensation 5Go et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom ou appelez le 3106. Technow égale la technologie du moment. Offre soumise à condition, engagement 24 mois. Aujourd'hui vendredi, nouvel arrivage chez Electro-Dépôt. Le rasoir électrique pour homme Philips 3 têtes flottantes est à un prix électro-dingue de 24,97€. Dépêchez-vous, il n'y a que 290 pièces. Electro-Dépôt. Habituez-vous à acheter moins cher. 5 centimes d'éco-participation. Détail de l'offre en magasin. Electro-Dépôt est l'une meilleure chaîne de magasins multimédia et électroménager de France. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron, je suis chez Lidl et je suis paumé. Paumé ? Chez Lidl ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? La paumée, paumée, paumée. Aujourd'hui et demain, les pommes de terre récolte blanche en filet de 2,5 kg sont à 1,49€. 1,49€ le filet de 2,5 kg ? Oui, et Origine France, patron. Ça fait 60 centimes le kilo de pommes de terre. On va encore. Paumée, oui, ça va, j'ai compris. Je suis mal. On est mal, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, calibre 35-55. Variété Annabelle, Marilyn, Jazzy, Galante ou Charlotte selon magasin. Origine France. Le covoiturage et la colocation, c'est sympa, hein, mais c'est pas clair. Bah pourquoi ? Alors, en covoiturage, si tu laisses le volant parce que t'es fatigué, est-ce que t'es assuré ? Vous avez remarqué comme certaines choses qui paraissent évidentes cachent parfois des questions moins évidentes. Et pour la colocation, t'es couvert comment ? Bah... Oui bah, tu vois, c'est pas clair. Avec les assurances du Crédit Agricole, les conducteurs occasionnels, tout comme les colocataires, sont d'emblée protégés par nos offres, sans démarche et sans frais additionnels. Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Contrat assuré par Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances. Bougez pas, Bruno. 8h30 tout à l'heure, on va jouer au jeu des 30 secondes, la famille, pour vous offrir le pack PlayStation VR. Il vaut 1210€. Il y a la PS4 dedans, il y a le casque de réalité virtuelle, et puis les jeux, et puis la caméra, et puis les manettes. Vous appelez le 3228, on joue dans une demi-heure. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Le point sur l'actu de ce vendredi 14 octobre, c'est tout de suite avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. La pluie continuera de tomber sur la moitié sud avec parfois des coups de tonnerre. Les précipitations remonteront le long de la façade est jusqu'en Alsace. Des éclaircies reviendront ensuite par l'Atlantique. Les températures de la matinée sont comprises entre 6 et 11 degrés. Dans l'après-midi, prévoyez 12 à 15 jusqu'à 20 degrés en Méditerranée. La pluie continue donc de tomber dans le sud. 4 départements sont en alerte orange, l'Hérault et le Gard pour pluie et inondation, l'Aude pour le risque de grosses vagues, le Var pour les orages. Mais les dégâts sont moins importants que prévu, à tel point que les cours reprendront cet après-midi dans l'Hérault. 165 interventions de pompiers ont été enregistrées cette nuit dans le département. 115 personnes évacuées par exemple dans un camping à Vias. Sur la Côte d'Azur, l'hommage aux victimes des attentats de Nice prévu aujourd'hui est reporté à demain. La primaire de la droite et du centre, le premier débat entre les 7 candidats a eu lieu hier soir. Les affaires judiciaires sont ressorties au grand jour. La rivalité Sarkozy-Juppé s'est amplifiée. C'est d'ailleurs le maire de Bordeaux qui est sorti vainqueur selon les sondages avec 36% des voix. Et il devance Nicolas Sarkozy 22% et François Fillon à égalité avec Bruno Le Maire 11%. Elle s'envoyait en l'air dans le cockpit. Une hôtesse de l'air de 46 ans travaillant pour la compagnie Transavia aurait multiplié les ébats sexuels avec ses collègues dans des hôtels, mais aussi en plein vol. Elle aurait consigné ses aventures dans un journal intime tombé dans les mains de son mari. La compagnie a porté plainte et l'affaire sera jugée le 24 octobre en Hollande. En foot, après la trêve internationale, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir. Le début de la 9e journée de championnat. À qui de Nice ou de Monaco pour prendre la tête? Les Monégasques joueront à 19h sur la pelouse du Stadium de Toulouse, alors que les Aiglons recevront Lyon à 20h45. Il est 8h passé de 5 minutes. Bonne fin de semaine à l'écoute de Bruno dans la radio sur Fun. Radio. Vendredi, c'est le 14 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 8h05. Bonjour! Bonjour! Et bienvenue sur Fun Radio. Oh putain, c'est vendredi! Ouais, les amis, c'est vendredi, ça veut dire qu'on passe en mode week-end. J'ai vu qu'il y avait des auditeurs qui passaient en mode vacances dès ce soir. Ouais, qu'on m'explique. Je crois que les vacances, c'est à partir de mercredi. Mercredi, normalement, ça commence, oui, okay. Pour tout le monde. Ouais, il y en a qui se prennent 2-3 jours en plus. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est important, tu peux pas rentrer dans les vacances d'un seul coup. Faut un petit sas de décompression, je trouve. C'est pas comme s'il y avait 2 semaines en plus en de vacances. Plus, ils ont été radins, ouais. Pas de vacances pour Bruno dans la radio, je vous le dis. Non. On sera là à Sound of Legend, là, ça arrive dans quelques secondes. Et puis, j'ai dit qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Usher. Oui. Tu sais, tout à l'heure, là, au début d'émission, j'ai dit, tiens, c'est l'anniversaire de Usher aujourd'hui, ça pourrait être sympa de vous passer à Usher avant 9h. Je vous ai choisi celui-là. Ah ouais? Non? Oh bah, t'as qu'à dire que t'es déçu. Ah ouais, moi j'en préfère d'autres. Okay. Mais bon, c'est toi qui choisis. Ouais, j'avoue. Si je peux donner mon point de vue, j'aime bien celui-ci vraiment. Et j'aime bien moi le yeah. Oh, yeah, non. Yeah. Le yeah, il est pas mal. Il y a le mort aussi qui tue. Moi j'aime bien celui avec Martin Garrix. Ah ouais, donc en fait, on est d'accord sur aucun des titres alors. Regardez celui-là. Est-ce que vous avez pas envie de danser là? Non. Là je suis en boîte. Ouais, trop à l'ancienne. Avec, là je suis en boîte de nuit avec mon t-shirt Vodka toi, Connecting People c'est et je drague. C'est mort. Mais c'est qu'on dit more parce que mort ça fait vraiment penser à la mort. Quoi. Mon grand-père est mort. Ouais, c'est celui avec Martin Garrix, Don't Look Down. Le dernier. Ah ouais? Non. Oh, c'est vendredi les gars. Donc ça c'est fin de soirée. C'est, vous c'est savez after, quoi ça. Vous faites pas chier, je passerai DJ Snake. Voilà. Oh, vous m'avez saoulé. Mais là. Non, mais sinon on demande sur Facebook. Ouais, hein, on peut demander aux gens sur Facebook. Ils votent pour leur préféré. Entre les quatre. Allez, vas-y. Non? Qu'est-ce que t'en penses? L'auditeur est roi. Vous faites ce que vous voulez, vraiment. Oh, on t'a vexé? Mais vous m'avez pas vexé. Tu voulais écouter? Mais j'ai aucun souci, moi. Je veux que les gens soient contents. Ça vous fait plaisir? Vous savez quoi? Regardez ce qu'on va faire. On va même faire mieux. Regardez ce qu'on va faire. On va faire dans 5 minutes, on fera ça. Voilà. Tout en même temps. On mettra tous les titres de Usher en même temps, comme ça tout le monde sera content. Tu vois, le but, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'embrouille, hein, vraiment. Non, mais Bruno, soit tu as vraiment envie de passer ton titre et tu le choisis, soit on fait voter les auditeurs pour l'un des quatre. Mais moi, si je veux passer mon titre, je vais mettre Renaud. Toujours vivant, rassurez-vous. Bon, il y a Vaché qui est là aussi ce matin. Bonjour. Il y a Elliot, bien sûr. Bonjour. Toute la team Bruno dans la radio. On a lancé là avec Hélène tout à l'heure et qui nous a appelé. Elle voulait lancer un hashtag. Le hashtag est en top tweet trans, me semble-t-il. Me fait ton signe. Oui. Le hashtag, tu sais que tu es en hiver quand? Car oui, ça y est, il fait froid. Il y en a plein. Et donc, il y en a plein. Il y en a plein qui sont arrivés. Il y en a des très drôles. Hein, des très drôles. Et puis, des très vrais surtout. Voilà, tu sais que tu es en hiver. Quand tu, 10 minutes avant, allumes ta voiture pour qu'elle soit chaude quand tu rentres pour partir au boulot. C'est vrai, dans on le même, fait ça. Dans le même délire, il y a Ronald Trump qui dit « Tu sais que tu es en hiver quand tu as cette étrange sensation de te brûler les fesses quand tu t'appuies sur le radiateur. » Oui, il y a Amandine qui dit « Tu sais que tu es en hiver quand tu as toujours la goutte au bout du nez. » Ah ouais. Et tu l'essuies dans des endroits improbables, ça fait des taches. Il y a Cadel qui dit « Tu sais que tu es en hiver quand tu entends « Je t'embrasse pas aujourd'hui, j'ai chopé l'incrème. » Ah ouais. Il y a Clément qui dit « Tu sais que tu es en hiver quand tu ressors tes chaussons facochères. » En fait, il a mis une photo, il a des chaussons avec des têtes d'animaux, vous en avez pas. C'est horrible. Gauthier, 26 ans, Toulousain. Salut. Bonjour Toulouse. Salut. Salut Gauthier, salut. Allez, je t'écoute. Tu sais que tu es en hiver quand tu arrêtes de manger de la salade composée le soir pour manger des soupes. Ah ouais, la soupe de l'hiver. Ah, c'est horrible. Ouais. Oui. Moi j'aime bien. J'y suis bonne pas soupe. Encore, moi. La bonne soupe de l'hiver, c'est bien funky la soupe, hein, vraiment. La soupe, le plaid, un épisode de Columbo est à 57 ans, on va pas se mentir. Voilà. Je te fais des bisous, Gauthier. Joël à Montargis, salut Jojo. Salut la famille. 26 salut, ans, salut. On t'écoute mon pote. Tu sais, quand tu es en hiver, quand tu protèges le pare-brise pour éviter de gratter le matin. Ah oui. Ouais. Avec le vieux carton, là. Ouais. Un carton, c'est ouais. Ça, ouais, bien sûr. C'est bien ça. Ou alors il y a le produit qui tue les ours à l'autre bout du monde. C'est le pchipchit là que tu mets sur ta voiture le matin là quand lève le gel d'un seul coup. Et ça marche ? Ça marche, mais bon, je te dis, un pchit ici, c'est un ours blanc qui meurt sur la banquise. Ah ouais. J'en ai tué 4 moi ce matin par exemple. On a qui ? On a Aurélien à Chaux-de-Fonds. Dieu ! Chaux-de-Fonds, c'est en Suisse. Salut, salut les Suisses. Salut Aurélien. Salut la famille. Salut. Cliché de la Suisse. Alors, tu sais que tu es en hiver quand tu laisses repousser tes poils pour avoir plus chaud. Bah, moi, je les coupe pas, perso. Non, mais la barbe, peut-être, non, c'est ça ? Non, non, les poils partout, le dos, ouais. Tout ce que tu veux. Ça marche aussi pour sous le nez ou pas ? Parce que visiblement, chez Christina, c'est l'hiver depuis le mois d'avril. La moustache, ça marche bien, ouais, mais elle l'a toute l'année. Tu te moques, tu sais qu'hier encore, j'étais chez mon esthéticienne. D'ailleurs, je l'embrasse, Émilie. Et elle t'a dit bonjour, monsieur. Ouais, d'ailleurs, on a le son du moment où elle s'est occupée de ton dessous de nez. N'importe quoi. Et elle a fait une cabane dans le truc derrière. Et je voulais juste, changement de sujet, toi qui es chauve, vaché, en hiver c'est galère. Genre, tu peux attraper un rhume par le front ? En vrai, ouais, je tombe tout le temps malade si je mets pas un bonnet, ouais. Mais je sais pas si c'est très intéressant, mais ouais, parce que le froid rentre dans les oreilles, parce que les cheveux ça te protège un peu les oreilles. Ah. Et mon papy par exemple, il est chauve, mais il a des poils dans les oreilles, donc lui il tombe jamais malade. Ça y est, on s'en fout. Hashtag, tu sais que tu es en hiver quand. Tu sais que t'es en hiver quand la montagne à côté de chez toi est pleine de neige. Oh, j'aime bien ça. Quand il y a les premiers flocons, j'aime bien. Il y a Juju qui dit, tu sais que tu es en hiver quand. Tu as de la buée qui sort de la bouche quand tu parles et petit, tu faisais semblant de fumer. Oh, mais tellement! Oh putain, mais ça, c'est, ça fait partie de ces souvenirs où tu pourrais pleurer, vraiment, c'est où tu frimais. T'étais avec tes potes, tu disais, regarde, c'est des Marlboro. Ah ouais, ouais? Moi j'arrivais, j'avais directement de la beuh. Du haut de mes 8 ans. Tu sais, j'en avais à foutre, moi. J'étais là, j'étais posé au KLM. Ouais, fais tourner, frère. Je vais payer de la facture en direct sur Fun Radio, j'aimerais que ce soit la vôtre. Faites-moi parvenir votre facture par mail facture@funradio.fr. Fun Radio. Fun Radio. 8h15, c'est Fun Radio, vendredi 14 octobre. Vous savez qu'on a la télé là qui est en direct dans le studio avec BFM TV. Je suis en train de voir que c'est la ruée dès aujourd'hui. Sur... Il y a un nouveau Harry Potter qui sort, mais je croyais qu'elle avait arrêté. Non, alors en fait, c'est adapté d'une pièce de théâtre. Exactement, ça s'appelle Harry Potter et l'enfant maudit. Ah non, c'est Harry Potter et il faut que je paye mes impôts plutôt. Non, en fait, c'était une pièce de théâtre et du coup, elle l'a écrit en livre. Mais ça va être un carton comme d'habitude, mais c'est pas tout à fait comme les autres. Et c'est la sortie française aujourd'hui. Ouais. D'accord. En France, c'est écrit en français. C'est mieux. Je vais aller l'acheter. Et c'est Harry Potter, en gros, c'est ses enfants. Je crois qu'ils ont tous eu des gamins, là, les Hermione, la Rousse et le Roux. Ah bon ? Et maintenant, c'est les enfants pour la Rousse et le Roux. Et Harry Potter. Ah, la Rousse et le Roux, ils sont ensemble ? Non, ah ouais, si, parce que. Je savais pas. Et donc, ça fait un Leroux. Et voilà, prenez-vous ça, le monde de l'humour. Allez, KO. Nouveau Harry Potter. Voilà. Non, mais il y a des fans de la saga d'Harry Potter. Franchement, je peux aller. Moi, j'ai lu les bouquins. Je pourrais aller acheter le bouquin ce week-end. Moi, je vais attendre le film, comme d'hab. Tu fais quoi, toi, ce week-end, Christina? Moi, ce week-end, je vais fêter les 7 ans avec mon mec. Voilà, on va se faire un petit dîner. On va flancher? Non, un peu mieux, j'espère. Il s'est rien occupé de rien, comme d'hab, mais bon. Oh. Super, les 7 ans. Tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle allait faire pizza Koh-Lanta ce soir. Wow. Non, ça, c'est ce soir. Demain, c'est demain que je fête les 7 ans. Tu fais quoi, Elliot, ce week-end? Moi, je retourne au Havre. Parce que Tiffen, ma copine, elle est du Havre et il faut qu'on aille fêter son anniversaire chez ses parents. Oh, là, va au Havre. C'est un peu le Ibiza français. Moi, je bosse le théâtre, toujours, répète, là, tout le week-end. Vachy, tu fais quoi, toi? Premier week-end avec mon enfant à la maison. Donc du coup, va falloir que je vois comment on s'en occupe sur les amis, c'est on de la merde. On n'est pas sur des week-ends de kiff. Hein. C'est de la merde. Ah ouais. On doit mieux aux auditeurs de Fun Radio. Vous savez quoi ? On a fait, c'est quand la semaine dernière où t'avais cassé le micro. Oui. Et je t'ai dit, tu vas inventer une excuse, d'accord ? Je te mets des musiques de films au hasard et t'es obligé d'inventer des excuses. Ouais. D'accord ? Et on va faire la même chose. Je vais balancer des musiques de films au hasard et vous allez inventer un week-end qui fait rêver les auditeurs. D'accord. Et battle d'improvisation. Ok. Oh là là là là. Voilà, ça va être chaud. Il y a que Vaché qui joue, non? Tu sais quoi? Je voulais le faire avec Vaché, mais je vais le faire avec vous trois. Je vais même me mettre dedans et c'est Fauve qui va envoyer les musiques de films. Okay. C'est meilleur ça. Voilà. Ouais. Et comme ça, on va se faire des week-ends de rêve où les gens écoutent la radio, ils disent ah ouais. D'accord. Okay. Ah bah ouais. Okay, ah bah ouais, tu vois. On fait ça? Allez, battle d'impro dans moins d'un quart d'heure. Ça veut dire que rien n'est écrit, rien n'est préparé, hein, bien sûr. Donc ça veut dire que ça peut être de la merde. Voilà. Non, mais je donne envie à l'auditeur de rester. S'il se dit, ah bah c'est de la merde, je vais quand même écouter, voir comment il se plante. Pour l'instant, on joue. Bruno. Allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. On joue à vous payer vos factures tous les matins. Voilà. Vous les envoyez, factures@funradio.fr. Et par courrier, Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008, Paris. On vous appelle en direct. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ridicule, ce qui vient de se passer, et j'ai honte. Voilà, je ne le ferai plus. Je viens de rire en voyant le prénom de la personne que j'allais appeler. Attends, ça peut arriver, je suis désolé. On appelle et. Ok, je vais dire le nom. Okay. Et ne riez pas, on va appeler Zernou. Voilà. On appelle Zernou. Ah, ça a le mérite d'être original. Direct, c'est en verlan. Nous Zernou. Ah, c'est la Zernou aujourd'hui. J'ai plein de galères, je dois payer mes impôts et tout, c'est la Zernou. Il est dans le 88, département des Vosges. Mais allô? Allô Zernou? Oui. Bonjour Zernou. Bonjour Bruno. Eh ben voilà, très bien, allez hop là. Bravo. Alors, je vais te poser une question qu'on doit te poser très souvent. Quelle est l'origine de ce prénom? La drogue. Non, pas du tout. Sinon, c'est pas Zernou, c'est Taïeb le prénom, et Zernou, c'est le nom de famille. Ah, c'est Taïeb. Ah, donc en fait, on t'a appelé par ton nom de famille, on a été super vulgaire. Voilà. Ton vrai prénom, c'est Taïeb. Exact. Ah, oui, d'accord. Une erreur du standard. Donc ça veut dire quoi? C'est marocain, tunisien, c'est quoi? C'est algérien. Algérien, très bien. Bon, oui, voilà. Taïeb, c'est connu. C'est moins drôle du coup. Taïeb, voilà, Taïeb, c'est connu. Zernou, parce qu'on se dit, c'est bizarre comme prénom. C'est dommage, on allait passer un bon moment, on allait faire plein de vannes sur le prénom, et là tu nous as coupé l'herbe sous le pied. Quoi. Bon, Taïeb, mon pote, tu fais quoi dans la vie? Alors, le matin de bonne heure, je livre les journaux, et puis après, je m'occupe du magasin avec ma femme. D'accord. Et c'est un magasin de quoi? C'est un magasin de presse, de librairie. D'accord. Ah ben, je disais, aujourd'hui, tu te fais livrer le nouveau Harry Potter ou pas? Je sais pas, je crois pas. Ah. D'accord. Bah, c'est con parce que ça peut marcher. Oui. Ça va cartonner même. Taïeb, tu m'as envoyé une facture de 164,27 €. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pour faire des enquêtes dans le paranormal. Donc, il y a un enregistreur numérique, un détecteur EMF, une caméra infrarouge et un thermomètre. un thermomètre. Bah ouais, c'est le quand tu es en photo, mais il lui met un truc dans le cul, ouais. Pour prendre sa température. Toujours ça, c'est quand un zombie arrive, attention, hop, hop. Vous avez 39,2, c'est pas normal pour Mais attends, et Taïeb, tu fais des enquêtes paranormales, t'as vu des vrais trucs ou pas? Pas pour le moment, mais ça devrait pas tarder. Ah, ça devrait pas tarder parce que t'as fait une commande. Oui, c'est ça, ouais. Non mais sérieusement, tu vas dans des maisons hantées, des châteaux, des délires comme ça? Ouais, j'ai été dans les manoirs et puis dans les sanatoriums aussi. Ah d'accord, et t'aimes bien ça, la chasse aux fantômes en fait? Ah ouais, j'adore. D'accord. Bon bah visiblement pour l'instant tu rentres bredouille en tout cas. Oui Elliot. Peut-être si tu veux, viens dans ma chambre, doit y avoir le fantôme d'une vieille part de pizza. Et peut-être dans la chambre de Vacher, t'as le fantôme de sa vie sexuelle si tu cherches bien. D'accord. Bon, et bah Taïeb, c'est payé, c'est cadeau, c'est pour moi. Et du coup... Si tu chopes des images avec ce dos, tu nous tiens au courant, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci. On t'embrasse, mon pote. Je t'embrasse, Bruno. Ciao, Taïeb. Ciao, ciao. Dans quelques secondes. Ah, on écoute un Usher alors ou pas? Alors, c'est lequel? Ah oui. Je sais pas, parce que visiblement, il y a eu un vote. Ben, on va écouter un Usher dans quelques secondes, vu que c'est son anniversaire. Lequel? Ben, on le découvrira après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Bah, pourquoi tu cries? Et voilà, il rentre plus dans son jean. Mais non, je suis énervé, là. Je viens de me raser avec un bic 3 lames, ça rase super bien. Bah alors, pourquoi tu t'énerves? Et bah parce que j'ai payé le prix fort pour mes rasoirs pendant des années, alors que le bic 3 lames rase très bien, tout en douceur. Et pour pas cher! Les rasoirs Bic 3 lames, être bien rasé? Oui! Se faire tondre? Non! En ce moment, retrouvez Bic 3 et Bic Flex 3 Confort en promotion dans votre magasin. Joli brin d'aromate cherche le tendre morceau de bœuf qui lui ira le mieux au teint. Justement, chez Grand Frais, le roast beef charolais origine France est à 13,99€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 15 octobre, tranche, tente de tranche, type viande 100% race charolaise. Magasin participant sur grandfrais.com. Avant, vous faisiez collection de vos anciennes lunettes. Et là, nous avons un modèle authentique des années 80. Oh. Mais ça, c'était avant. Avec les reprises Chris, vos anciennes paires servent enfin à quelque chose. Rapportez vos anciennes lunettes et recevez jusqu'à 75€ de réduction sur votre prochaine paire. La fondation Chris Group redistribuera les anciennes à ceux qui en ont besoin. Chris, vous allez vous aimer. Reprise jusqu'au 10 janvier 2017 chez Chris. Réduction valable jusqu'au 28 février 2017 sur votre prochain équipement optique ou solaire. Conditions en magasin, dispositif médical, consultez un professionnel de santé spécialisé. Marie est une jeune femme de maintenant. Elle partage des photos de petits chatons trop mignons. Bon, il y a aussi les licornes. Mais ça ne l'empêche pas de penser à la planète et à son budget. Chez Boulanger, on a donc pensé à Marie avec l'opération Happy Eco Eco, une sélection de produits écologiques et économiques. Comme le congélateur armoire Siemens, 195 litres A++ à 599€ au lieu de 749 et consommant jusqu'à 40% moins qu'un appareil de classe A. Boulanger, c'est 130 magasins près de chez vous et boulanger.com. Prix valable jusqu'au 23 octobre sur modèle GS29NOW30. 14€ d'éco-participation. Bonjour Samuel, voilà, je suis aficionado depuis 3 ans. Bonjour Samuel. Je suis accro, mais comment ne pas l'être? Imaginez, plus de 1000 produits du quotidien au prix le plus bas du hard discounter. C'est imbattable. Bravo Samuel. Netto, le discounter qui fait la différence. Voir modalités en magasin et sur netto.fr. Avec Mathieu qui pédale fort et qui veut arriver premier au Trocathlon pour vendre son vélo et s'équiper en club de golf. Ah, moins pratique pour se déplacer. Chez Decathlon du 14 au 22 octobre, c'est le Trocathlon. Profitez-en pour changer de sport et revendre votre ancien matériel contre des bons d'achat. Decathlon, à fond la forme. Voir conditions en magasin et sur decathlon.fr. Matin. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h09 sur Fun Radio. Le son dance floor. Bonjour tout le monde, 8h23, c'est Fun Radio, anniversaire aujourd'hui. D'ailleurs, je dis que c'est l'anniversaire de Usher. Est-ce qu'on sait quel âge il a, Raymond? Parce que c'est Raymond son vrai prénom. Ah, je vais me renseigner tout de suite. Bah, renseigne-toi, regardez sur internet. Anniversaire de Raymond Usher 2. Je crois que c'est ça son vrai nom, Raymond Usher 2. Il y a Usher numéro 1, mais qui marchait pas les masses. Et puis après, ils ont fait un Usher 2. Je suis en train de combler pour que vous me trouviez la date. 14 octobre 78. Ouais. Il a 37 ans. 37 ans. Bon, alors on vous a dit, 38. On met un Usher ce matin. Ça y est, sur les matchs, je sais que vous êtes calés. C'est là où vous me faites plaisir. Usher, Terry, Raymond 4. Et c'est, ah, c'est 4. Oui, c'est 4. Mais le 1, le 2 et le 3 ont pas marché, alors c'est 4. C'est fou, c'est comme pour Rocky, je trouve. Alors, pour, parce qu'on parlait de l'âge, hein, à la base, excusez-moi, vous dispersez, il a 38 ans. Mais 38 c'est Wikipédia ans. Qui s'est trompé. Bon, en tout cas, on a dit on passe à Usher. Visiblement, vous avez voté sur la page Facebook. Parce que celui que j'avais choisi, moi, ne vous plaisait pas. Celui que vous vouliez écouter, c'est celui-ci. Eh bien, donc, nous l'écoutons. Yes, yeah, c'est le titre. Oh, yes, yeah, c'est le titre après, quand il le dit une deuxième fois et l'autre. Acha, acha, c'est son nom. Et ça, c'est le titre pour vraiment que les gens comprennent. À l'époque, il n'était pas très connu, donc vraiment, il faisait plusieurs fois le titre avant. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! J'ai envie de dire Happy Birthday. Yeah! Usher sur Fun Radio. Tous les matins. Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Bon, l'équipe, faites-moi rêver. Je vous ai demandé ce que vous alliez faire ce week-end. C'était pourri. Les auditeurs de Fun Radio ont besoin de rêve. Ok, battle d'impro. On a fait ça l'autre jour, on lance la... Tu sais quoi, je vais commencer avec Vaché. Vaché, je sais qu'il assure sur ce genre de truc. Tu veux pas finir avec Vaché plutôt? Non, je vais commencer avec lui. Et on le refera tout à l'heure avec Christina et avec Elliot. Ah, Vaché, ouais, parce que ton week-end, visiblement, tu ne fais rien, tu profites de chez toi. Je veux que tu vendes du rêve aux auditeurs de Fun Radio. Battle d'impro, c'est quoi? Tu nous racontes un week-end, mais j'envoie des musiques de films derrière toi qui vont changer toutes les 15-20 secondes et il faut que ton histoire s'adapte à la musique du film. Vous connaissez le début, j'ai dit que j'allais m'occuper de mon enfant ce week-end. Ah, tu t'occupes de ton enfant ce week-end. Ok. Et j'ai prévu de l'amener à Disneyland. Parce que oui, il a 6 jours, mais à 6 jours, il est important qu'il rencontre Tic et Tac. Je déconne, on part au Vietnam. Un enfant, c'est avant tout un futur guerrier. Et si c'est pas tenir une mitraillette à 6 jours, c'est que c'est une grosse merde. Moi, je veux qu'il tire sur des cibles, pas sur des viettes. On leur a fait assez de mal. Parce que les viettes, figurez-vous qu'à force de leur tirer dessus, eh ben, ils en ont eu marre de faire la guerre et aujourd'hui, ils font des spectacles de vietnamiens. Effectivement, ils font du mime, ils font semblant de grimper à des cordes. Il y a des super spectacles de vietnamiens là-bas, on va se régaler. Mais si je parle de ça, c'est parce que j'ai envie de divertir mon fils avant de l'abandonner. Oui, j'ai prévu de l'abandonner la semaine prochaine. Je me suis rendu compte que ça coûtait beaucoup d'argent.

Alain Juppé, grand gagnant, le maire de Bordeaux est sorti vainqueur du premier débat télévisé de la primaire de la droite et du centre hier. Selon les sondages, 36% des sondés le désignent en tête devant Nicolas Sarkozy, 22%, et François Fillon ex-aequo avec Bruno Le Maire, 11% chacun. Sécurité, économie et affaires judiciaires ont rythmé les paroles des 7 candidats. Jacques Chirac, de retour chez lui, l'ancien président de la République a quitté l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière hier. Il va poursuivre sa convalescence à son domicile parisien, 3 semaines après avoir été admis pour une infection pulmonaire. L'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, la justice examinera aujourd'hui les méthodes policières employées dans l'enquête sur la tentative de chantage. Les suspects, dont Karim Benzema, réclament l'annulation de l'ensemble de la procédure. La cour d'appel de Versailles doit notamment se pencher sur la validité des négociations téléphoniques entre un policier qui se faisait passer pour un homme de confiance de Valbuena et un maître chanteur. Et puis sur les terrains de foot ce soir, début de la 9e journée de Ligue 1, les deux premiers du championnat seront de la partie. Monaco à Toulouse au Stadium, c'est à 19h. Nice qui recevra Lyon à 20h45. Tous les matins, Bruno dans la radio. Je l'espère bien. 6h-9h sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Bienvenue sur Fun Radio, bienvenue sur la première radio Dance Floor de France. Mike Perry, ça arrive dans quelques secondes avec The Ocean. On a passé un vieux Usher. Tiens, j'ai envie de vous remettre un titre. Bon, c'est pas si vieux que ça. Major Lazer. Et bien celui-là, hein, pour un vendredi. Le petit chill du vendredi matin. Je l'adore. Lennon, ça arrive. Pour l'instant, 8h35, on joue. L'essentiel est de ne pas paniquer. Wow. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Charline a 17 ans. Elle est lycéenne en terminale S. Elle est à Rouen. Applaudissements pour Charline. Bonjour. Comment ça va, ma Charline? Ça va et vous? Super bien. Ça commence quand les vacances pour toi à Rouen? Ça commence mercredi. Ah, mercredi, on y arrive. Je suis sûr t'es bardé de contrôle à la con en maths physique d'ici mercredi, non? Exactement. Putain, les profs, ils ont ce don-là. C'est-à-dire ils se souviennent pas, les profs, qu'ils ont été lycéens à un moment et qu'un peu avant les vacances, t'as besoin de te poser déjà, tu vois, de te préparer à la période des vacances. Ah ouais. Charline, ma chérie, tu joues ce matin face à Fabien. Il est stéphanois, il a 28 ans, il est chauffeur-livreur chez Chronopost. Applaudissements chez Fabien. Salut la famille, salut Fabien. Salut Fafa. Salut mon Fab. Salut tout le monde. Fabien, donc t'es constamment le cul dans ton camion, mon pote. C'est ça, ouais. Tout le temps. Bien sûr, j'ai de la chance, je peux vous écouter du coup tout le temps. Mais bon, c'est vrai que c'est l'un des rares avantages. Ouais. T'as commencé à gratter le pare-brise un peu. On a lancé ce matin le hashtag. Tu sais que tu es en hiver quand. j'ai vu. Et alors, t'as eu ça? Ouais, c'est ça. Ah, il faut bien. Hein. Après, on a toujours les petites astuces de démarrer la voiture avant, de rester 10 minutes devant la voiture. Ouais, comme c'est ça. Pour que le pare-brise dégive tout seul en espérant qu'on n'ait pas à gratter, mais bon. Ouais, c'est vrai. Ça fait partie des trucs. Ça commence. Du matin. Fabien, Charline, alors la règle du jeu des 30 secondes, elle est simple. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots. Pourquoi? Pour gagner le pack PlayStation VR, 1210€ là de cadeau. Il y a la PS4, le casque de réalité virtuelle, la caméra qui va avec et les manettes, plus 11 jeux, le tout 1210€ de cadeau. D'accord? On est bien tata. Mais il faut choisir quelqu'un de l'équipe pour tenter de vous faire gagner. Vacher, quoi qu'il arrive, joue, puisqu'il a gagné hier. Il m'a mis une branlée hier. Ouais. Moi, tu sais quoi, avec le score que j'ai fait hier, je pense que je vais être blacklisté du jeu des 30 secondes pour au moins une dizaine de jours. Il y a des chances. Qui joue avec Vacher de vous deux? C'est moi donc. Ok, allez, c'est toi, Vacher, Fabien. On est motivé. Ok, Fabien, 1200 boules, PlayStation VR, c'est notre vie qu'on joue là, donc t'inquiète. Charline, tu veux jouer avec qui? Oui. Alors, Solidarité Féminine, je joue avec Christina. Yes! Je suis en pleine forme, ma chérie. Et en fille, tu veux jouer avec qui? Tant mieux. Elliot, tu sais quoi? C'est toi qui vas choisir qui commence. Bah, c'est Christina. C'est Christina qui commence. Très bien. Est-ce que je peux avoir la liste, moi aussi? Parce que du coup, vu que je joue pas, j'aime bien avoir la liste. Christina, Charline, la liste, Christina l'aura en main au lancement du chrono. Tu as 30 secondes pour trouver un max de mots, d'accord? Ok. Cri, t'es prête? Ouais. On y va, top chrono. Ok, tu en trouves à la mer, c'est des oiseaux qui font du bruit? Des mouettes. Oui. Quand c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Ouais. À la télé, pour regarder ce qu'il y a à la télé le soir, tu achètes un programme TV. Oui. Le foot, les matchs de foot, ça se joue dans un stade. Oui. Quand tu as besoin d'envoyer un courrier, tu peux aussi envoyer une. Un mail, une carte, non. Une enveloppe. Non. Non, tu mets un timbre dessus. Une enveloppe. C'est une lettre. Oh là là, le stade, j'ai bugué. Mais t'aurais pu faire A, B, C, D, E, ce sont des lettres. Ah ouais, mais ça m'est pas mis en tête. Ouais, bah, c'est comprendre. Pas mal quand même, elle a fait combien 4 points pour les filles. C'est pas mal. Charline, 4 points, c'est pas mal. Ouais. Bravo, bravo à toi. Non, t'as été rapide, efficace. Est-ce que Fabien va faire mieux? Eh ben, on va le voir avec Vaché. Fabien, t'es prêt? Ouais, prêt. Allez, Vaché, t'es prêt? Ouais, j'essaye. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est un chanteur que Nicolas Le Pervers parodie. Il chante Soprano. Ouais. Le petit chaperon rouge, il met des affaires dans son pour aller l'amener à sa grand-mère. C'est en osier. Sac. Non. Panier. Ouais. La peinture, le cinéma, tout ça, c'est deux. L'art. Ouais. Les kilomètres heure, ça mesure là. Vitesse. Ouais. Les enfants, il faut pas qu'ils débordent quand ils en font, c'est du. Coloriage. Ouais. Les vieux, ils en ont au bord des yeux, c'est des. Ça, c'est des pliures partout. Des c'est des. Mérites. Oui, il a dit. Oui. Il a dit. Si bonne réponse. Fabien, c'est gagné. Ouais ouais Vaché, je te kiffe. PlayStation VR, tu vas voir, c'est la vraie vie qui commence. Quitte ta femme. Quitte ton boulot, c'est génial, mec. Le pack, Fabien, on l'envoie aujourd'hui, on est d'accord. Oui. Et en plus, il bosse chez Chronopost, lui. Donc, nickel, je le reçois. Si tout se passe bien, je le reçois demain matin. Exactement. Et bien, on t'envoie ça, on t'embrasse. Avec plaisir, bisous à la famille, ciao. Ciao, bisous. Fabien, Charline, tu pourras rejouer avec nous, on te fait des bisous, ma belle. Bisous. C'est un beau match, bravo Vaché. Très beau match. Bravo Christina. Merci. Voici Mike Perry, The Ocean, c'est sur Fun Radio. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air. Qui va faire kiffer Vaché là. Dans moins de 3 minutes, on aura Aurore au téléphone en direct sur Fun Radio. Et puis Major Lazer, Linon, à tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Salut, c'est David Guetta. Découvrez mon nouveau single sur Fun Radio. The Weeknd et Daft Punk. Arizona et Robin Schulz. Sean Frank. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché.

Bon réveil la famille, 8h48, on a lancé ce matin le hashtag tu sais que tu es en hiver quand qui est en top tweet France et top tweet France depuis une heure. Vous êtes des bons, merci. Il y en a plein là qui continuent à arriver. Il y en a un qui m'a fait marrer, c'est le Lumberjack qui a écrit tu sais que tu es en hiver quand tu sors un pied de la couette, t'as 12 stalactites et un vendeur de crêpes qui s'installe entre tes orteils. C'est tellement ça les amis. Bon courage en tout cas si vous partez bosser au froid là. On va vous amener un petit peu de chaleur humaine avec Major Lazer. C'est quoi ça? Ça fait partie des titres. Dans 20 ans, ça restera. Tu diras, ah ouais, grave. Ça marque ça. Ça arrive. On va avoir les week-ends de Christina et d'Eliott, puisqu'on a eu celui de Vacher. Les week-ends qui vont vous faire rêver un peu. Des week-ends battle d'impro. Là, on a lancé ça il y a quelques jours. On va faire ça ce matin. Mais pour l'instant. Moment happy d'Aurore qui est à la colle sur Loup. On est dans les Alpes-Maritimes de mémoire. Bonjour Aurore. Bonjour Bruno. C'est bonjour. Ça la colle sur Loup, on est d'accord? Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Tu fais quoi dans la vie à 28 ans? Je suis aide à domicile. Ok, donc tu fais ta tournée en écoutant Fun Radio. Oui. Aurore, t'as un moment happy à partager avec nous, qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait 2 semaines que je suis devenue végétarienne. Ah! Tu vois, c'est pour ça que je disais que ça ferait plaisir à Vacher, comme Vacher, dans la team végétarienne. Voilà. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Tendance végétalienne. J'essaye progressivement d'enlever tout ce qui est. Œufs. Œufs, lait, miel, petit à petit. Miel, ah ouais, c'est le moment loose du jour, là, finalement. Non, c'est bien, parce que franchement, il y a des trucs aussi bons que le miel, et franchement, c'est une tuerie, quoi. Horreur. Ouais, ouais. Alors, bon, après, une tuerie, tu vois. Mais je comprends le délire. Juste, explique-moi, ça a été quoi le déclic? Ben, ça faisait longtemps que j'avais envie d'arrêter la viande sans vraiment me lancer, quoi, parce que pour mon plaisir personnel, j'avais du mal, je savais d'où ça venait, mais j'avais du mal à me dire de me lancer. Et en voyant un youtubeur sur YouTube, Absol, il a fait une vidéo sur la maltraitance et animale, et je me suis lancée, et voilà, le jour de mon anniversaire. D'accord. C'est bien. Après, il faut pas généraliser non plus. Ils sont pas tous maltraités, les animaux. Ouh là là là. Faut pas rentrer dans ce débat. Non. C'est compliqué. Bah, annule ta phrase. C'est un débat un peu sensible, mais voilà. Bon. Mais bravo, ma chérie. L'essentiel, Aurore, tu te sens bien? Oui, moi je suis heureuse. Hein, eh ben écoute, voilà, c'est ça. L'important, l'idéal. C'est de faire ce qu'on a envie de faire. Faire ce qu'on a envie de faire. Exactement. Et être en paix avec soi-même. Eh bien, oh là là. Mais super. C'est pas Aurore qu'on a, c'est Gandhi. On t'a reconnu, Gangan. Je veux t'entendre vrai, crier, Aurore, je suis heureuse. Je suis heureuse. Et en même temps, c'est vrai, on parle de la maltraitance animale. Et moi, je peux entendre ça. Moi, après, c'est vrai que. Je suis pas un gros mangeur de viande, mais de temps en temps une bonne côte de bœuf à la cheminée avec des patates, excuse-moi. Mais après, vous, les végétariens, est-ce que vous avez pensé, l'espace de quelques secondes, vraiment, et je veux pas en faire des caisses, ouais. Mais l'espace de quelques secondes, est-ce que vous avez pensé à ce pied de brocoli? Bien sûr qu'on y a pensé. Qui est tranquille, posé, au milieu d'un champ. Il est avec ses frères brocolis. Alors oui, suivant les exploitations agricoles, ils peuvent être entre quoi? 4 000-5 000 brocolis? Ils sont Jean-Louis Brocoli, famille Brocoli, Stéphane Brocoli, Stéphanie Brocoli. Il y a tous les brocolis qui sont là. Réunion de famille, c'est une cousinade de brocolis. Ils sont souvent sous une serre, ils n'ont pas la lumière du jour. Ouais. Arrive le maraîcher qui lève sa serre avec un couteau. Mets-toi à la place de Maryse Brocoli, qui est là avec son mari Jean-Claude. Les brocolis, ils sont très sympas, ils sont ensemble et tout. Et là, il voit quoi? Il voit le maraîcher qui coupe Kevin et Stéphanie Brocoli, leurs enfants, pour les faire bouillir. C'est pas normal. Vous vivez avec ça? Non. Et ben voilà, c'est juste ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'on est en train d'établir un nouveau régime à base de sable. On en parlera bientôt. D'accord. Les amis, tout de suite sur Fun Radio, je sais que je vais vous faire plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne vous l'avait pas passé, j'adore ce son. C'est Major Lazer avec Lin On sur Fun. Hey, it's Major Lazer with Bruno on Fun Radio. Do you recall, not long ago, we were walking on the sidewalk. Innocent, remember, all we did was care for each other. The night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we would only hold on to let go. Buckets, fire a gun, we need someone to lean on. Buckets, fire a gun, all we need is somebody to lean on. Buckets, fire a gun, we need someone to lean on. Dans 5 minutes, 9h du matin, qu'est-ce qui m'a fait plaisir, Solina? Ah, tu sais quoi? Ça me fait penser à l'été, à Ibiza, tout ça, quoi. Ouais, tu sais quoi? Voilà. On a lancé ce matin le hashtag « Tu sais que tu es en hiver quand ?» Bah, rejoins l'émission, du coup. Allez, c'est l'heure du JPI. Journal pas en image, c'est le faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, Mimi Mati fait son shopping chez H&N. Record, il y a 4 ans, jour pour jour, Félix Baumgartner sautait en chute libre de plus de 39 000 mètres d'altitude. 4 ans plus tard, son record de chute libre vient d'être battu par François Hollande dans les sondages. Télévision, demain soir aura lieu la première de Danse avec les stars. Et Valérie Damido s'entraîne très très fort. Alors moi je tiens à vous dire que Danse avec les stars, j'ai pas suivi trop jusqu'à maintenant. Samedi. Mais je tiens à vous dire que voilà, je lance un mouvement national, je suis de la team Olivier Mine. Voilà, je ah bon dis. Team Olivier Mine à fond de cale, les copains. Okay. Moi, je sais pas qui participe à part Damido et Olivier Mine, donc je veux dire Team Valérie Damido. Oh non, Team. Il y a Caroline Receveur aussi qui est dedans. Team Olivier Mine. Je tiens à vous le dire, dans toute l'équipe, je vérifierai vos tweets dans le week-end. Allez, la suite. Le club de foot du Benfica de Lisbonne lance une robe de mariée aux couleurs du club pour ses supporters. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony. Oui, ça y est, enfin. Ah, enfin quoi, Anthony? Je vais enfin pouvoir demander Christina en mariage. Rien que de l'imaginer porter une robe de mariée aux couleurs du PSG, je suis pressé d'être à la nuit de noces. Vive le mariage. Ouais, elle va être ravie, Anthony. Hein. Ah ouais. Il est dans le coin de la porte comme un canard, tout rouge. En oui, je t'aime. C'est mignon. Elle n'a pas répondu. C'est mignon, regarde. Regarde, ils sont amoureux. Et robe du PSG, t'acceptes ou pas? Mais ça va pas la tête, non. Oh. Mais c'est... Christina, elle sourit parce qu'elle se dit, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité? Peut-être ouais, c'est ça. Pour les 7 ans. Ils ont eu deux têtes de canard, regardez-les. Regarde. Il faut des bisous. Non, mais attends, je suis en train de penser à un truc, il y a un gros problème. C'est Danse avec les stars demain. Et on était censé fêter nos 7 ans. Oh là là, les problèmes. Imagine s'il y avait un match du PSG, qu'est-ce que je ferais, moi? Bah, je regarderais le match du PSG. Oh là là, le vieux couple. Oh là là, ça fait pas rêver. Hein. Oh, un gars, une fille, quoi. Juste Christina, en tout, il dit « Je veux enfin pouvoir te demander en mariage. Tu veux que je t'isole cette phrase que je vais mettre ouais, sur une clé USB ?» Ouais, je veux bien, ouais. Tu la repasses en boucle, merci, Elliot. Ouais, sinon, on peut finir notre chronique ou... Ah oui, c'est vrai qu'il y a un JP qui avait commencé, voilà. Souvenez-vous. Bah, ouais, souvenez-vous. Ouais. Allez, fermez-la. Et pour finir, si vous aimez les animateurs de France 2, les testicules, découvrez Stéphane Burn. Voilà, c'est la fin du JPI. Lundi, nous serons lundi. Alors, à lundi. Bon, Christina, Elliot, oui. Il faut que vous vous trouviez un week-end de rêve, un pro, battle d'impro là dans quelques secondes. D'accord. Ah bah, ça m'a donné des idées tout ça. Je crois que personne n'a envie d'entendre mon week-end rêve. Calvin Harris avec My Way, ça arrive sur Fun Radio. On revient juste après ça. Party on night. Le week-end, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Bonsoir à tous et bienvenue dans Party Fun sur Fun Radio, c'est Adrien Thomas. Welcome in the biggest club in France. Party. Party Fun. C'est Party Fun. Bonjour Samuel, voilà, je suis aficionado depuis 3 ans. Bonjour Samuel. Je suis accro, mais comment ne pas l'être? Imaginez, plus de 1000 produits du quotidien au prix le plus bas du hard discounter. C'est imbattable. Bravo Samuel. Netto, le discounter qui fait la différence. Voir modalité en magasin et sur netto.fr. Jusqu'au 25 octobre, tout doit disparaître chez Conforama. Jusqu'à moins 50% en meubles, déco et électroménager. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Carrefour. Bah chérie, c'est quoi tous ces produits de beauté là? En ce moment, Carrefour fait place à la beauté, alors moi aussi. Parce qu'il y a plein de promos sur des centaines de produits de marque. Par exemple, 40% de remise immédiate sur le lot de 2 shampoings Garnier Fructis. Mais du coup, j'ai plus de place. Oh, t'exagères. Jusqu'au 24 octobre, Carrefour fait place à la beauté avec des promotions sur des centaines de produits de marque. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le lot de 2 shampoings Garnier Fructis dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. 2 x 250 ml, voire produits concernés dans votre catalogue disponible sur carrefour.fr. Carrefour. Kiabi colore la vie. Ce n'est pas parce que l'hiver arrive que votre dressing doit se prendre un vent. La mode hiver est déjà chez Kiabi. Avec des couleurs chaudes et des matières tendances comme ce pantalon enduit avec détail zip, 5 coloris à seulement 12 euros. 12 euros pour être stylé le jour ou glam la nuit. Oh, j'en frissonne d'envie. Du 12 au 25 octobre, conditions en magasin et sur kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. C'est en exclu, c'est chez U, les ventes privées live. Aujourd'hui, pour les ventes privées live, c'est de la peine croyable. Sur la lessive Ariel Pods 30 doses à 9,95€, 70% vous sont offerts en euros carte U, soit 6,97€ d'économie. Oh, mais c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à samedi seulement. Profitez des ventes privées live avec le prospectus. Conditions et magasins participants sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. La boîte de 897 grammes, soit 11,09€ le kilo, variété au choix. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Bougez pas, Bruno. Les trois meilleurs moments de l'émission sont compilés par Elliot. C'est le top 3 d'Elliot. Là, ça va arriver dans moins de 2 minutes sur Fun Radio. On a quoi ce matin? C'est passé tellement de trucs. On a parlé des fantasmes ultimes, de quand vous pouviez partir en soirée, quand... tu vas réviser, tu sais quoi, et envoie ton flash à la con et puis. Ah, c'est sympa pour tous les journalistes. Bah, ça va faire plaisir à tous les journalistes de Fun Radio, en tout cas en province. À tout de suite. Fun Radio. Le son. Fla. Regarde, merci Elliot. Maxime Poulaouec, ça fait plaisir. Tu vois, il n'y a que moi qui te respecte ici. Ouais, merci. Ah, ouais, merci Bruno. Allez. On va zapper le top 3, je crois. Les infos avec Max Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La météo de ce vendredi, un temps toujours perturbé dans le sud avec des nuages, de la pluie, des orages et du vent. 4 départements en vigilance orange, l'Hérault et le Gard pour pluie et crue, l'Aude pour le risque de grosses vagues et le Var pour les orages. Il va pleuvoir aujourd'hui jusque dans le nord-est. Le soleil reviendra sous forme d'éclaircies vers l'Atlantique. Il fait 6 à 11 degrés ce matin. Dans l'après-midi, prévoyez 11 à Aurillac, 13 à Paris, 14 à Lyon, 16 à Bordeaux, 21 pour Ajaccio. 165 interventions des pompiers dans l'Hérault cette nuit. La montée des eaux a fait craindre le pire, mais pour l'instant, les dégâts sont moins importants que prévu. Le Biterrois est le secteur le plus touché. 115 personnes ont été évacuées dans un camping à Villas. Finalement, pas de week-end prolongé pour nos jeunes puisque les cours reprendront cet après-midi dans le département. Sur la Côte d'Azur, l'hommage aux victimes des attentats de Nice prévus tout à l'heure est reporté à demain en raison des forts orages attendus. Dans le reste de l'actu, le premier débat de la primaire de la droite et du centre, c'était hier soir, 7 candidats face à face. Et c'est Alain Juppé qui a été donné vainqueur par les sondages. Le maire de Bordeaux devance Nicolas Sarkozy et François Fillon. Il a été question pendant 2 heures de sécurité, d'économie et d'affaires judiciaires. En foot, c'est le début ce soir de la 9e journée de Ligue 1. 2 gros matchs au programme puisque les 2 premiers du championnat seront sur les pelouses. Monaco se déplacera à 19h sur la pelouse de Toulouse. Nice recevra Lyon à 20h45. Et puis vous allez passer votre week-end à lire peut-être, puisque le 8e tome d'Harry Potter est disponible depuis minuit. Harry Potter et l'enfant maudit, 9 ans après la dernière parution. Harry Potter, c'est 28 millions d'exemplaires vendus en France sur les 7 premiers volumes. 200 librairies sont restées ouvertes toute la nuit pour les fans. 9h04, on retrouve toute l'équipe de Bruno dans la radio. Bonne fin de semaine. Fun Radio. Vendredi, c'est le 14 octobre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 9h04, bonjour. Dans quelques secondes, il y aura Sia. Il y aura Soprano. Et aujourd'hui... C'est vendredi, les amis. Une émission de n'importe quoi ce matin, une émission comme je les aime, avec Christina. Bonjour. Il y a Vacher. Bonjour. Il y a Elliot. Bonjour, Bono. C'était vendredi dernier qu'on avait fait le truc sur les improvisations, les battles d'impro. Non, c'était la semaine dernière. Non, c'était cette semaine, c'était il me semble. Lundi ou mardi. C'est lundi. Ouais. Oui, parce que vendredi dernier, Vacher n'était pas là. Ouais, j'étais en train de m'occuper de mon bébé. C'est chiant. De matière. Et donc, on a fait la semaine dernière, voilà, une impro. J'aime bien faire ça de temps en temps. Puisque comme cette émission, tu vois, tout n'est pas écrit. Il y a certaines émissions où tout est écrit au point, à la virgule, où il y a même marqué aux gens quand ils doivent rire. il rit. Bon, nous, on... c'est pour ça que des fois, on ne rit pas aussi, hein, parce qu'on se prend des bides. Mais on a lancé ça la semaine dernière où Vachier devait trouver une excuse pour le micro qu'il avait cassé. Et j'ai dit, voilà, battle d'impro ce matin, vous m'avez raconté ce que vous alliez faire ce week-end, c'était pas très intéressant, même le mien d'ailleurs, j'avoue. Et j'ai dit, voilà, on se doit pour les auditeurs de Fun Radio de vendre un peu de rêve. Donc Vachier, on a appris tout à l'heure avec son impro qu'il partait visiblement au Vietnam avec son fils qu'il allait vendre pour récupérer les organes ensuite au Brésil et 4 800 euros, ce qui était pas mal pour un enfant. C'est pas mal. Voilà. C'est le pack, hein, les reins plus le foie. Et donc, en fait, c'est quoi ? Vous racontez votre week-end, il y a des musiques de films qui s'enchaînent derrière, il faut que ce que vous nous racontiez soit en rapport avec la musique de film. D'accord ? Allez ! Christina, tu fais quoi ce week-end ? Musique. C'est ce week-end que mon chéri va me demander en mariage. Mais je ne le sais pas encore. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher une voiture, il va m'attendre en bas de l'appartement, il va me dire « Allez, monte, je t'emmène ». Avec Dark Vador à table, c'est lui qui va nous servir, d'accord ? Ouais, ouais. Là, il va m'apporter un plat, une espèce de cloche, et là, je vais soulever la cloche. Et qu'est-ce que je vois ? Un cactus ! Et qu'est-ce qu'il y a dans ce cactus ? Bah, je vais chercher, je vais me piquer, je vais y aller, et là, je vais découvrir. Ouais. Ok. Il y a un baobab sous le cactus. Donc il faut encore que j'ouvre le baobab. Il n'y avait pas de la weed aussi, il n'y avait pas de la bleue, y a pas, à mon avis, là, t'es parti trop loin. Et là, qu'est-ce que j'ouvre ? Une petite boîte. Et dans cette petite boîte, il y a quoi ? Et à quoi dans la boîte ? Une bague. Ça y est ! Ouais, ouais, ouais, ok. Est-ce qu'on prend... Une bague, mais une bague fantasy. D'accord. Parce qu'il m'a fait une vanne. D'accord, ok. Ah. Est-ce qu'on prend ce week-end ou pas ? Bah, ouais, moi je le prends. D'accord, ok. Ouais, je le prends pas mal, ouais, je le prends. Bon, rien. D'accord. Allez, top 3 d'Eliott. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top gracias mucho. Les 3 meilleurs moments de l'émission compilés par Eliott, c'est le top 3, c'est le numéro 3. Numéro 3. T'inquiète pas, tu vas nous raconter ton week-end. Ah, non, mais sois pas en mode ouf. On aura plus le temps, non ? Non, si, on aura le temps. Bon, allez, Décideur, on a parlé des fantasmes de l'équipe et des fantasmes des auditeurs. Réécoutez. Tu sais quoi ton fantasme ultime à toi ? Moi, ce serait dans un avion. Avion, j'ai fait aussi. Ah ouais, ouais. Ah, ça, je comprends. Mais t'as tout fait, toi, Bruno, c'est pas possible. Ouais, mais j'ai 45 ans, les amis, donc par rapport à vous, j'ai de l'expérience. Mais justement, ça n'existait pas, les avions. Tu sais que ça. ça annonce, c'est le club des 3000, je crois. 10 000. Bah, des 10 000. Et parce que t'as 10 000 pieds, je crois. 10 000. Ah bon, ce serait le club des 10 secondes, hein, peu importe où ça se passe. Lucas, on t'embrasse, mon pote. Je crois que, ouais, mon fantasme, ce serait ça, mais genre dans un train. Vous avez jamais essayé de chercher quelqu'un du regard dans un train, genre si vous aviez une meuf bonasse, je vais faire mon regard de lover, et boum, elle va me chauffer, on va aux toilettes. Il y a quand même des gens qui essaient de nous faire rêver. Genre, il y en a un qui parle de faire l'amour dans un avion, t'imagines la classe, et toi tu t'arrives avec ton TER. C'est vrai. Même tes rêves, ils sont low cost. C'est quoi cette expression ? Même tes rêves, ils sont low cost. Je trouve ça extraordinaire. Si on fait un battle de casse avec Brice qui va venir là dans l'émission la mardi, ça tue le game, vraiment. Numéro 2. Numéro 2. Bon, j'ai révisé mon lancement, normalement ça devrait être bon. On vous a demandé dans le chiffre du jour. Qu'est-ce qui vous pouvait... Ah bah tu vois. Pourtant, et on sentait que t'avais envie. Hein. Ouais, ouais. Bon, non, vous qu'est-ce qui vous pouvait... Qu'est-ce que vous pouvez vous faire partir d'une soirée si vous êtes une mademoiselle et qu'à un moment vous partez de la soirée à 41%. Pourquoi vous partez de la soirée ? C'était ça. Qu'est-ce qui pourrait vous faire partir d'une soirée précipitamment. Ouais. Il suffit de prendre son temps finalement. Bon voilà, j'ai sélectionné une auditrice qui nous a filé une réponse. Écoute. Qu'est-ce qui pourrait te faire partir d'une soirée précipitamment, Priscilla ? Bah, une envie subite de faire un câlin avec son mari. Surtout quand on n'a pas les enfants dans une soirée en fait. Ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais, je te rejoins là-dessus. Parce que moi, en général, les filles que je connais, elles voudraient partir faire un câlin, mais justement pas avec leur mari. D'où le départ précipité. Je te fais des bisous, Priscilla. Oui, Vacher. J'ai une question par rapport aux enfants. Tout le monde dit ça, mais genre, on peut pas faire l'amour quand les enfants sont dans la chambre à côté ? Qu'est-ce qui est dérangeant ? Tu veux les premiers mois, mais. Bah, s'ils rentrent, ouais. Bah oui, mais s'ils rentrent, tu dis, voilà, de toute façon, il faut qu'ils comprennent la vie, non ? Ouais, mais enfin, bon. Un jour, si tu veux des enfants, tu feras comme papa et maman. Ouais. Pas dans cette position. Parce que c'est très dangereux. Mais tu feras comme papa et maman. Alors autant te dire que moi mon fils il peut rentrer, il peut vivre même. Oh non, papa et maman sont en train de dormir comme tu veux. Ouais, allez, numéro 1. Numéro 1. L'Ousmane du Standard rencontre ce week-end ses beaux-parents. Il stresse du coup. On a voulu lui filer les trucs à ne pas faire avec ses beaux-parents pour le premier rendez-vous. T'es où, tu vois, non, parce qu'il arrive en courant dans le couloir, genre on parle de moi, qu'est-ce que tu faisais ? Je prends rendez-vous chez le médecin. Ah, fais voir ton téléphone, fais voir ton téléphone. T'as une ch'touille, toi. Mais c'est qui mais, viens ici, Louzman. C'est qui est au je téléphone? Je veux pas te dire. Je veux pas. Mais si, mais fais-le maintenant. Il y a tous les auditeurs. Ouais. Mec, il y a des millions de personnes qui écoutent. Cette maladie gênante, fallait le dire avant de rencontrer tes grands parents, quand même. Mais, on le dira pas à l'antenne, Louzman, mais t'es obligé de montrer. Non, mais je réglais un truc, c'est bon. Non, mais montre. Non. De toute façon, c'était un coup de fil, je vais te montrer. Mais fais voir. Non, mais je vais voir si c'est vraiment un appel au médecin. Bah, tu vas voir un 06, quoi. Bon, on appelle en direct. Un médecin en 06 ? Ouais, c'est une arnaque, mais voilà. Qu'est-ce qu'on sait ? Mais qu'est-ce qu'il nous cache ? Ça sent, on est en train de parler de. Il va faire connaissance avec sa belle famille ce soir et il a une autre meuf qui dit comment ça, ta belle famille ? Non, je t'expliquerai. Écoute, c'est un délire, c'est une histoire, c'est une passade. Enfin bon. Il est tellement mal à l'aise, Louzman. Je sais pas ce que c'est, mais on a mis le doigt sur un truc, en tout cas. Ouais, ou peut-être dedans. Pas à l'abri de pas. Vu sa tête, on a mis nos doigts dedans. Et on a pas fait exprès. De pas voir sa belle famille ce soir, en tout cas. C'est pas gagné, en tout cas. Vous allez le voir avec l'extrait. Bon, les trucs à pas faire pour une première rencontre avec la belle famille. Tu restes pas collé à elle toute la soirée. Ah ouais. Ah, j'avoue, tu touches ma fille, toi, je te démonte. Ouais, je comptais pas lui caresser les seins. Pas non plus de Olive. c'est le premier mec qui a la main. Parce que ça se trouve, ça a été la foire du trône dans ses fesses. C'était le 27e qui passe à la maison. Non, je suis le deuxième. Et l'avantage, c'est que je passe après un dealer de drogue. Donc, en théorie, ça devrait plutôt bien se passer, quoi. J'espère. Mais dis donc, en tout cas, elle choisit bien ses mecs. Ouais, ouais, ouais. Bon, et tu nous débrieferas lundi. Promis. Le mais repas, non. Je veux savoir le repas. Je veux. Ah non, mais c'est je sais, tiens, on va au resto. Alors, faut qu'il paye ou pas? Il sort la carte à la fin ou pas? Ah, ben oui, ça, c'est, y a ça. Faut que tu. Que tu dises, je vous offre. Non, laissez-moi au moins payer l'apéritif. Ouais. Et ça fait radin si je sors les tickets resto ou pas? Ouais. Là, comment te dire? Laissez-moi payer la moitié des apéritifs parce que c'est quand même des cocktails à 8 euros. Oui, ça fait radin. On l'a tous dit à l'unanimité. Je sais pas ce qui va se passer avec Louzman. J'ai mis le doigt sur un truc, je crois. Ah ouais? Ouais, je sens mal à l'aise. Ah, il l'est. J'ai l'impression qu'il est né mal à l'aise. C'est horrible. Les amis, nous allons vous laisser, mais avant de partir, je voudrais savoir ce que Elliot va faire ce week-end. Un week-end de rêve. Attention, musique. Ah ben, je devais aller chez mes beaux-parents au Havre, mais finalement non. Je vais emmener Tiffen dans un super parc d'attractions avec des dinosaures. Attention, le principe de l'improvisation, c'est pas utiliser la musique du film parce qu'on met Jurassic Park, dire que tu vas aller voir. Arrête de me couper, sans déconner. Je te dis que j'emmène ma meuf en week-end, mais comment ça? Je comptais lui offrir une bague à 5 francs, mais non, je vais lui offrir à 50 francs parce que je l'ai... Oh là, tout doux avec ton accent pourri, monsieur. Non, nous allons l'emmener dans un château, nous allons la faire monter à cheval. C'est une musique de western. Oui, bah, il tirera avec un super fusil, avec une battle de shérif. Mais finalement, nous n'irons pas dans ce monde de western. Parce que Tiffen et moi, nous nous sommes quittés. Moi, je l'aimais bien. Mais j'ai préféré aller dans une maison hantée parce que j'ai un fantasme. C'est coucher avec des femmes possédées. Et qui sont aussi fans de Super Mario. Oui, elles sont fans de Super Mario, ces meufs-là, et je les adore. C'est vraiment un truc que je kiffe. Non, ça, c'est pas pour improviser, c'est juste pour un générique de fin pour cette impro. Mais pourquoi tu prends l'accent créole sur Super Mario? C'est la voix Super Mario. Mais tu sais quoi, Bruno, tu te moques. Oh, alors, ok, Vacher, il est très doué, on peut pas lui enlever. Elliot et moi, on a un peu plus de problèmes. Ouais. Et bah, tu te moques, Bruno, vas-y, raconte-nous ton week-end, fais-nous rêver. Eh bien, ce week-end, les amis, je vais répéter une pièce de théâtre qui sera bientôt diffusée à la télévision. Et cette pièce de théâtre, j'y mets du cœur et j'y vais habillé en cow-boy. Parce que j'aime les habits de cow-boy. Alors oui, c'est une pièce d'époque qui se passe dans les années 1880-1890, mais qu'à cela ne tienne, je le ferai avec un chapeau de cow-boy et une cape de super-héros. Wow. D'accord. Et ça n'est jamais vu encore dans le monde du théâtre et du cinéma. Mais j'en ai rien à foutre, qu'à cela ne tienne, et je dirai oui, bonjour, c'est moi, super cow-boy. Et les gens arriveront et diront, mais disons que c'est quand même très bizarre d'être un cow-boy avec un chapeau et une cape de Superman. Que fais-tu également dans la vie? Dans la vie, je mange du goudron. Les gens seront très étonnés en disant, raconte-nous ton histoire de mangeur de goudron. Et je dirai, oui, asseyez-vous les enfants, regardez ces petits cailloux, je les prends. Et je vais faire caca. Et du bitume sortira de mon rectum. Et les gens seront là et diront, mon Dieu, j'ai vu des choses bizarres dans la vie. J'ai vu quelqu'un qui avalait des portes cochères. J'ai vu quelqu'un qui se nettoyait les yeux avec des roues de R16, mais quelqu'un qui fait caca du bitume, je ne l'ai jamais vu. Et un autre cow-boy arrivera en disant « Dis donc, gringo, c'est toi le cow-boy super-héros qui chie du bitume ?» Je dirais « Oui, mais toi, qui es-tu » Eh bien, moi, je suis le cow-boy danseuse qui jongle avec des hélicoptères. Et à ce moment-là, j'arrêterai de prendre de l'acide. C'est pas mal. Allez, bravo. Je m'incline. C'est un bon week-end. Ouais, ça vaut pas, ça vaut pas Elliot avec Super Mario Créole. Mais c'est pas mal. Allez, on s'en va. Bonjour la famille. Ça. Comment ça va mon pote? Bah ça va, quand j'entends tous vos week-ends, moi je me dis que je reste juste chez moi en fait. Mais pas ça vous intéresserait pas d'entendre le week-end de rêve de Mika? Bien sûr, j'ai des musiques de films, qu'à cela ne tienne. Très bien. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Attention, week-end de Mika, c'est parti. Alors écoute, j'étais censé donc... rester à la maison ce week-end comme je viens de te dire, mais finalement avec, avec ma copine Amandine on part à Venise. Voilà. Il peut prendre la musique comme si c'était Venise. Exactement, c'est Venise, c'est romantique, regarde, t'as un peu. Et puis à Venise, qu'est-ce qu'on croise? On croise un chanteur. Ouais, un chanteur, un musicien aussi, tout ça, quoi, voilà. Et qui nous dit eh ben en fait, je joue pas de la vraie musique. Hein, j'appuie sur un bouton, tu vois. Et là, je vais dans un truc, je sais pas du tout où je vais. Tu me mets dans une merde. Excuse-moi, parce que à lundi, Bruno et. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, si vous pouvez m'aider, je veux bien. Non, non, vas-y, continue. Moi, je vous fais juste la bise. Ouais. Je vous fais juste c'est la bise. C'est tellement dur. Les amis. Non, parce que moi, l'impro, t'as vu, c'est pas. Ouais, je, vas-y, c'est pas mal. Faut que je me mette au théâtre, quoi. Tu vois, Mika. Non, non. Mika vous accompagne jusqu'à midi. Il va faire ça avec talent. Vous souhaite de passer un bon week-end. On sera là lundi matin. Soprano en invité. Et ben justement, Soprano, là, ça arrive dans quelques secondes sur Fun Radio. Comme l'équipe. D'accord. Ramenez le Super Mario Creole, si vous voulez, non? Ok, non, je sais, j'arrive, moi, je savais, les amis. Soprano, donc, et puis ici, si, sur Fun Radio, bon week-end. Bisous! Bisous! I'm the youth, ayy, I am the greatest, ayy, this is the proof, ayy, I work hard, pray hard, pay dues, ayy, I transform with pressure, I'm hands on with effort, I fell twice before, my bounce back was special, let downs will get you, and the critics will test you, but the stronger survive, another scar may bless you, I don't give up, nah, no. don't give up, don't give up, no, no, no, nah. don't give up, I won't give up. Merci à vous tous d'avoir choisi Fun Radio, c'est Mika, c'est 9h midi, ça fait plaisir de vous retrouver ce soir, week-end. Bon courage à vous tous, là, si vous êtes en voiture, direction le boulot. Et je vous l'ai promis, le nouveau Hardwell avec Jason, nouveauté signée Fun Radio, ça arrive chez vous et puis on rajoute Soprano aussi. Fun Radio DJ Awards. En direct de l'Amsterdam Dance Event. Let's go! Du 19 au 23 octobre, 16h, JB et Adrien Thomas seront en direct du studio Fun Radio d'Amsterdam. Pendant 4 heures, les plus grands DJ viendront mixer pour vous, vous parler et recevront leur trophée. Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo. Hello, hello,